16 mai, adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. 5, 4, 3, 2, 1. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Dans cette ville paisible, dans ces rues tranquilles, une chose terrifiante, une chose horrifique va arriver. Yeah, Ed McKinnon. We are old. We are young. We are America. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. I want to be your phone, je veux être ton téléphone. Je veux que tu me touches, que tu me tétais. Et que tu me confies tous tes secrets de fée. Je veux être si proche de toi et sans reproche. Que tu me glisses tout contre toi dans ta poche. Que tu joues avec moi, que tu endormes avec moi. I want to be your club, je voudrais être ta club. Que le matin au réveil tu m'allumes sous la douche. Que partout où nous sommes tu m'apprennes. Être ton âme, que tu me serres bien dans ta main en cavale, plaqué sur toi contre tes seins et tout près de ton âme. Je veux qu'avec moi tu te sentes une héroïne, que tu fasses trembler ces ronds qui s'agitent, que tu me décharges, que tu me recharges. À moi tu en bête, je veux être ta bicyclette, que tu m'enfourches quand ça te passe par la tête. Et que tu fasses résonner partout ma sonnette. Je veux que tu me fasses grimper en vitesse. Et que tes deux mains amoureusement me caressent. Depuis mes poignets jusqu'à mon cadre chromé. I want to be your god, je voudrais être ton god. Ton dieu vibreur vibrant et que tu me vénères. Qu'à me sentir en toi tu ne sois pas la dernière. À gémir de cette nouvelle extase divine. Que tu me gardes près de toi même à la cantine. Que je ronronne et que tu t'abandonnes. Thank you. bonsoir, chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Le vendredi soir, vous le savez, ça fait déjà 14 ans pratiquement qu'on fait cette émission. Aujourd'hui, c'est l'édition numéro 571. Et c'est l'émission Mavrica, hein, tous les vendredis de 19h à 22h. Alors, depuis quelques temps, effectivement, eh ben, y a eu des vacances. Il y a eu aussi le nouveau studio qui est arrivé dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Donc, nouvelle technique, des choses à apprendre, tout ça. Et c'est la première fois que nous allons recevoir des artistes en direct live ce soir dans l'émission Mavrica. Et la dernière fois, c'était au mois de septembre. Hein, donc, ça commence à remonter un petit peu. Donc, ce soir, eh ben, nous avons un groupe. Il est déjà là. Il est en train d'attendre patiemment parce que on a pris l'antenne un petit peu plus tard déjà. Et la dernière fois, on a reçu, donc c'était au mois de septembre, c'était notre ami Alex Lebaille. Alors, je vous réserve encore un petit peu de suspense pour vous annoncer le groupe. Par contre, depuis le début de l'émission, on a écouté déjà pas mal de musique. Alors, j'ai pas accès sur Internet parce que actuellement il y a des trucs qui sont coupés. Mais j'ai tout marqué sur les petits papiers. Hein, ça marche encore à l'ancienne. Hein. Donc, on a commencé cette émission avec No More Back, un morceau qui s'appelle Résiste, qui a été enregistré. C'était un morceau interprété en direct live par le groupe No More Back dans l'émission numéro 255. Donc, ça fait déjà quelques années. On a poursuivi avec notre ami Joël Dubreuil avec un morceau qui s'appelle Joe. Voilà. Un instrumental bien agréable à écouter de temps en temps. Et on a poursuivi avec un groupe que nous allons recevoir en début de l'année 2024. Il s'agit d'un groupe qui s'appelle Trans Chacal Express. Et le titre qu'on a écouté, c'est I Wanna Be Your Phone. Voilà. Et puis à l'instant, c'était un morceau qu'on a découvert la semaine dernière. Donc c'est le nouvel album de Koda. Et le titre qu'on a écouté, c'est Un Monde Nouveau. Et le groupe Koda, qui était déjà vu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, ça fait déjà un bail, hein, ça fait quelques années. Et puis on espère bien les retrouver très bientôt. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'invité. À partir de maintenant, ça commence. Il reste encore une place. C'est pour le 1er décembre. Si vous voulez venir, si vous avez un projet, vous avez envie de présenter, il n'y a pas de souci, on peut vous accueillir. Il est encore temps. Hein, et le 1er décembre, c'est la semaine prochaine. Et ensuite, c'est complet jusqu'au mois de février. Je crois qu'il doit y avoir une date au mois de février. Et tous les autres dates sont déjà réservées. Donc à partir de maintenant, nous allons recevoir des artistes dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Et vous savez que c'est ce qu'on aime dans l'émission, c'est recevoir des gens en direct. Donc je vous ai dit qu'il y avait un groupe ce soir. Alors c'est plus exactement un duo. Il s'agit de Chris et Léo. Ils sont ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et il va y avoir du live. Donc on va tester un petit peu le nouveau studio, puisque c'est la première fois que je reçois des invités. Mais on va y arriver, hein. On y arrive toujours dans l'émission Mavrica. On le fait avec de la bonne humeur. Et c'est pour ça que ça fonctionne très bien. Voilà, cette émission commence, hein, tout juste, hein. On va encore écouter un titre juste après. Et après on va se retrouver avec nos invités Chris et Léo sur Radio Arc-en-Ciel. Le titre qui suit, ben, c'est un morceau d'un groupe que nous allons recevoir dans le courant du mois de décembre. C'est le 22 décembre, si je ne me trompe pas. Il s'agit de Oniris, donc une découverte. Hein, c'est la première fois qu'ils viennent ici dans les studios, même si certains membres sont déjà venus avec d'autres projets. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle « The Night ».

La nuit. C'est bien joli, sûrement quand on la voit passer.

Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrica jusqu'à 22h. Ce soir, les invités sont là, d'ailleurs je vais monter les micros et on va commencer à discuter ensemble puisqu'il s'agit de Chris et Léo, ils sont ici dans les studios. Salut Chris, salut Léo. Salut Albino. Bah, c'est bon. Ah bah c'est bon, le son passe bien. C'est la première fois que je reçois des invités, donc vous êtes un petit peu les cobayes ce soir. Oui. On est en train de mettre tout au point et c'est vrai que pour l'instant ça répond très bien. Donc vous êtes mes premiers invités depuis qu'on a changé le studio. Voilà. Aujourd'hui c'est l'émission numéro 571 et on a écouté depuis tout à l'heure, j'avais déjà annoncé quelques morceaux et on a écouté aussi Kill the Princess, un groupe de la région parisienne, je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe où il y a que des filles. Donc okay. J'espère bien un jour les recevoir un jour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Voilà. Après les brunettes. Ah oui, il y a eu les brunettes aussi parce que nous avons aussi nos voilà. Brunettes locales qui seront en concert demain d'ailleurs. Elles seront en concert bon, je vais essayer de retrouver tout ça dès que j'aurai accès à l'ordinateur parce que là, j'ai une page mais je peux pas il y a déjà quelques messages mais je peux pas répondre parce que j'ai pas accès du tout. Donc mais bon, c'est pas bien grave, on va faire l'émission quand même et vous inquiétez pas, je répondrai plus tard, il y a pas de souci. Et Kill the Princess avec un titre qui s'appelle Dreamer Night. Et à l'instant, on a bien reconnu, moi j'ai bien reconnu tout de suite, en tout cas, un de nos grands rockers nationaux, Hubert Félix Stéphane, avec un morceau qui s'appelle Tranche de vie. Oui. Et c'est un morceau qui a été choisi par Chris. Oui, bah, c'est une reprise de François Béranger, quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà, un gars, on reprend aussi un morceau de lui, nous, Chris et Léo. Et ils ont fait un disque hommage à Béranger il y a quelques années. Il y a plein d'artistes différents qui ont réinterprété ses chansons. Et Kéfen, il l'a fait de façon assez rock et j'aime bien ça. Sa façon d'interpréter cette chanson. Très bien. Et en plus, c'est vrai que moi, j'écoutais bien les guitares et tout ça. C'est vrai que c'est ce son particulier quand même d'excellents musiciens. Et c'est des gars, ce sont des vrais musiciens. Mmh. C'est pas des gens qui ont enregistré un jour dans un studio et qui sont pas capables de reproduire ce qu'ils font. Eux, ils jouent vraiment, c'est un groupe qui s'est fait connaître à force de tourner, de toute façon, simplement. Hein. Ouais, parce que c'est vrai que sur les radios, surtout aujourd'hui, c'est pas souvent qu'ils passent, hein, malheureusement. Non, c'est vrai. Heureusement, il y a Radio Arc-en-Ciel et qui suit, c'est vous qui allez faire la programmation ce soir. Donc, Léo lui a apporté aussi des morceaux. D'ailleurs, il y en a un qui est programmé juste après. On peut l'annoncer tout de suite. Ça s'appelle c'est La Tête à Toto. Exactement. Ouais. Avec Où sont passés les passés. Ouais, c'est ça. Très bien. Donc c'est le morceau qu'on va écouter juste après. Ouais. Tu veux nous en parler tout de suite ? Bah moi je veux bien. Mmh. En gros, moi j'ai choisi ce morceau-là parce que vous allez voir, c'est un peu voilà chanson française, on va dire, assez calme. Moi j'aime bien. Puis c'est je pense que c'est un des premiers concerts que j'ai vu. J'étais en colonie de vacances et c'était la veillée un soir, concert avec un groupe donc nous on était tout camin et enfin voilà, ils ont fait le concert pour les gamins pour la veillée et j'ai trouvé ça génial. J'ai acheté le CD, je l'ai pas écouté pendant 10 ans. Je l'ai retrouvé chez moi, j'ai écouté, je fais ah trop bien, j'adore et voilà. Et du coup c'est un petit souvenir pour moi. Très bien, donc on va l'écouter juste après, hein, il est calé sur la platine, on va dire. Ouais. On va parler à l'ancienne, on a des tourne-disques là à côté. J'ai commencé l'émission comme ça, il y avait des platines ici à ma droite. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, tout est en numérique, mais bon, mais on cale quand même virtuellement les morceaux. On va parler aujourd'hui, c'est vous les invités, donc on va parler de Chris et Léo. Alors Chris et Léo, c'est pas des inconnus, vous êtes déjà venus dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Ah, oui, déjà venu plusieurs fois. Ouais. Vous avez participé aussi à Mavrica Live. Donc oui. Voilà, vous faites partie de la famille de Mavrica, mais pas tout à fait avec ce projet-là. Voilà, on va parler du groupe Barricade, forcément. Hein voilà. Donc vous êtes deux membres du groupe Barricade. Mmh. Le groupe Barricade qui est un groupe de 5 personnes. Ce soir. Il y a Chris qui est au chant et à la guitare. Il y a Léo qui est à la guitare. Et après les autres, je vous laisse les énoncer aussi. Alors il y a... Il y avait William qui était à la basse. Ouais. Il y a JP à la batterie. Et Dédé à l'autre guitare. Parce qu'on est un groupe avec 3 guitares, parce qu'on trouvait que 2 guitares, c'était un peu... Ouais, c'était un peu léger, donc ouais, on a trois. Donc on cherche une 4e guitare, si vous êtes intéressé. Non, ça va. Vous faites assez de bruit comme ça, c'est bon. Donc très bien, le groupe Barricade, et vous avez aussi, en parallèle, eu l'idée de faire un groupe, un duo, plus exactement, où vous êtes tous les deux. Et donc, vous reprenez des chansons de Barricade, forcément, puisque c'est toi, Chris, qui les écrit, la plupart. Oui. Ouais. Voilà. Bah, bon, la plupart. Toutes, sauf toutes. Les reprises, toutes les chansons ouais. de Barricade, c'est de moi, pour le moment. D'accord. Mais ça va peut-être changer à l'avenir. Peut-être qu'on parlera un petit peu des projets de Barricade, un tout petit peu. Après, ah oui, tout à fait. Le but bah, on a le temps, on va parler plein de choses. Vous avez amené pas mal de musique. Je sais pas si on aura le temps de te diffuser. Non, mais on va prendre le temps d'écouter les morceaux que vous allez sélectionner. Donc c'est vous qui faites la programmation. Vous avez apporté tous les deux de la bonne musique. Hein. En plus, on a pu déjà. On s'est pas concerté. J'espère qu'on n'aura pas fait de doublon parce qu'on a chacun. Et après, il faut aussi qu'on prenne le temps de vous écouter puisque ça fait apporter les instruments. Donc on fera un petit essai en live donc de votre talent de votre travail que vous avez fait. Alors là, pour l'instant, le travail, c'est des reprises de Barricade. Il y a aussi des reprises d'autres artistes. Oui, et aussi des compos quand même. Et des compos spécialement pour Chris et Léo. Voilà. Voilà, c'est ça. Comme il y avait des compos que aussi. Donc il y a des compos qu'on a fait exprès pour Chris et Léo. Et j'avais des compos aussi d'avant que je jouais il y a très longtemps avec un autre groupe, mais on n'a pas fait de disque, on n'a rien fait, et j'avais envie de les ressortir, voilà. Mm-hmm. Donc des morceaux qui sont dans les tiroirs et un jour voilà on retombe dessus, on les ressort et puis ouais. Ouais, et puis interpréter. Là c'est acoustique, donc ça change aussi pas mal de ce qu'on fait aussi avec Barricade. Ah oui, le travail est complètement différent. Hein. Oui. Je sais qu'il y a eu plusieurs groupes je me souviens d'un groupe, c'était ouais, j'en ai plusieurs dans la tête. C'est pour ça que j'en sélectionnais un. C'était les No Sign Nothing qui étaient venus ici et puis je dis vous pouvez jouer en acoustique. Ils disent mais on sait pas jouer en acoustique. Nous tous nos morceaux sont en électrique et tout ça. Et je dis ouais mais bon on peut pas forcément brancher tout électrique. On peut pas faire le bruit comme il faut. On peut pas mettre de batterie non plus parce que c'est un peu compliqué hein, à cause des voisins. Et ils ont dit bon on va travailler spécialement pour faire nos morceaux en acoustique. Donc ils avaient travaillé différemment, ils ont répété, etc. Et puis quelques temps après, ben je les ai vus faire des concerts en acoustique aussi dans des endroits. Donc quelque comme part, quoi. Ben c'est un travail différent, mais qui permet aussi d'aller dans des endroits où on peut pas faire trop de bruit, où on peut pas mettre trop de monde parce qu'il y a pas la place, etc. Ouais, donc voilà, c'est un peu le comme vous, hein. C'est-à-dire que vous pouvez jouer aussi bien dans une grande scène que dans un petit bar, quoi. Voilà. Ça, on le fait aussi avec Barricade, hein. Ça nous est déjà arrivé. C'est plus compliqué. 2 mètres carrés, on était 5 dessus, avec la batterie qui prend déjà 1m50, 1m50, voire les 2 mètres carrés. Je sais qu'à une époque, il y avait aussi des groupes qui jouaient ici, et puis à l'époque, on avait des batteries avant d'avoir des soucis. Et c'est vrai que quand on met une batterie, vous voyez le studio, là, on met une batterie, on met les musiciens autour de la table, bah, ça remplit très vite, et puis il y avait un bruit pas possible. Ça dépend des batteries aussi. Hein. Oui, après, ça dépend des batteries. Mais des batteurs. Aussi. Ça dépend. Je dirais ça dépend surtout des batteurs. Parce qu'il y en a certains qui viennent avec des batteries normales, quoi, et puis ils savent modérer, etc. Et il y en a d'autres qui ne savent pas modérer. Et je vais vous raconter l'histoire de. Bah, on écoutait le groupe No More Back tout à l'heure. Ouais. Et le batteur, il jouait tellement. C'était Baptiste, hein, en plus. Il jouait tellement fort qu'on avait eu des petits soucis avec les voisins qui étaient venus nous voir en disant voilà, vous faites un peu trop de bruit. Donc la fois d'après, il m'a dit cette fois-ci, impeccable, j'ai amené une batterie électronique. Donc on l'avait branché sur la console, etc. Mais il tapait tellement fort sur la batterie électronique que ça serait percuté chez le voisin. Il est venu quand même nous voir. Donc comme quoi, il faut. C'est pas toujours évident. Mais enfin, ça reste dans les histoires, quoi, les petites anecdotes comme ça de l'émission Mavrika, des bons souvenirs en tout cas. Bah là, on va continuer un petit peu. Donc on a parlé un petit peu, on vous a présenté. On va continuer avec un autre morceau. Donc la tête à Toto, où sont passés. C'est les passés. Ouais. Voilà, très bien. C'est parti. Où sont passés les passés de nos passe-temps? Je passerai pas la porte d'un amour passant. Où sont passés les passés? Pape sûr, de travers, le retour se fait sans prière. Je passerai pas, mais ma jeunesse restera. Passeront, passeront-ils les hommes au pas? assez peu sûr. Je passerai pas, mais ma jeunesse restera. Passeront, passeront-ils les hommes pas assez peu sûrs? Où sont passés les passés? Pas peu clair, quand l'impasse au pastaga nous fait marcher un peu moins droit. Où sont passés les passés de nos passants? La jeunesse qui fout le camp pour les hommes qui courent tout le temps. Je passerai pas, mais ma jeunesse restera. Passeront, passeront-ils les hommes au passé peu sûrs? Je passerai pas, mais ma jeunesse restera. Passeront, passeront-ils les hommes passés peu sûrs? Passera pas, mais ma jeunesse restera. Passeront, passeront-ils les hommes au passé peu sûr? Je passera pas, mais ma jeunesse restera. Passeront, passeront-ils les hommes au passé peu sûr? C'est la première fois qu'on passe ce groupe dans l'émission Mavrika. En tout cas, ça s'appelle La Tête à Toto. Et c'est notre ami Léo qui nous a apporté ce morceau qui s'appelle Où sont passés les passés. Voilà. Donc, ouais. On a parlé tout à l'heure de ce groupe-là. C'est un groupe qui existe depuis longtemps, non? Je te dis, moi, je l'ai vu quand j'étais tout petit. Donc, ouais, ça fait un moment. Je crois que c'est ça un fait groupe. Au moins 40 ans, alors. Non, ça fait 5 ans, quoi. Ouais, il avait 11 ans, donc voilà. J'ai le droit aux deux extrêmes de la blague. Les deux extrêmes. C'est bien qu'il y a 5 ans, je n'étais pas né. Effectivement, c'est le plus jeune du groupe Barricade, hein, c'est ça. Ah, hein, ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'était pas très dur à faire. c'est un groupe qui est du côté plus Normandie, il me semble. Mmh. Et je pense qu'il a connu un peu des périodes de calme. J'ai pas pu suivre exactement leur actualité, j'avoue. Et voilà, je les ai redécouverts vraiment longtemps après les avoir vus. Bah, je te dis, en retrouvant le CD avec, j'ai même une carte postale dédicacée et tout. Enfin, ah d'accord, collector. Ouais. Ouais, vraiment, pour moi, c'est vraiment un truc. Et par exemple, le morceau que je t'ai passé, j'arrive pas à le trouver par exemple sur Internet. Il y a des trucs comme ça. Moi, je sais que j'ai certains disques et puis je me suis dit, ouais, je me casse pas la tête à les numériser. Je les trouve sur Internet sans problème. Ouais. Il y en a certains, on trouve pas. Mais non. Il y a des trucs, c'est vraiment exceptionnel. Quoi. C'est très pour bien. Ça. Voilà, j'ai pris ça. Moi, dans les morceaux que j'ai choisis, il y a un peu des trucs, soit pas forcément très connus, mais que moi qui me parle un petit peu, soit des choses plus locales, soit des choses vraiment plus connues. Mais voilà, après dans le style que j'ai plus écouté, voilà. Donc on verra ça après, mais. Et c'est vrai que quand on a un CD, on peut le redécouvrir, un CD ou un disque vinyle par exemple. Des fois on fouille un petit peu, on retrouve un truc, on le réécoute et on redécouvre des choses. Et c'est aujourd'hui dans la société où on est, c'est vrai qu'on zappe très rapidement d'un morceau à l'autre. Un morceau qu'on écoute très souvent, au bout d'un moment on l'oublie, on l'efface de notre disque dur, ça disparaît. Et le fait d'avoir quelque chose, l'objet, c'est quand même quelque chose qu'on peut ressortir quelque temps après et puis redécouvrir quoi. Donc et tu dis on l'efface de nos disques durs, mais maintenant ils sont plus sur nos disques. disque dur, c'est sur... Ouais, ils sont sur le cloud, souvent. Oui, voilà, c'est ça. On les a plus vraiment en physique, à portée de main, on a plus l'objet. Ouais, ça a un peu changé, c'est vrai. Bah ouais, je suis de l'ancienne génération, donc moi j'aime bien avoir les objets, les CD, les vinyles. Et puis après, je les numérise aussi pour pouvoir les transporter facilement. Et puis surtout les mettre dans un ordinateur pour pouvoir préparer des émissions et tout ça. Mais c'est vrai que l'objet, c'est bien. Et puis après, c'est pareil, je fais pas trop confiance à tout ce qui est sur Internet. Parce que si on a un petit problème technique, on n'a plus rien. Que quand on l'a sur le disque dur, ben à part s'il grille, hein, ce qui arrive assez régulièrement. Donc après, il faut aussi sauvegarder tout ça. Voilà, on est un petit peu les gardiens. Et puis moi, il y a beaucoup d'artistes qui sont venus dans l'émission, qui m'ont confié leurs morceaux que je diffuse avec beaucoup de plaisir. Et ça m'embêterait vraiment de les perdre. Et une fois, m'était arrivé. Il y a un groupe que vous connaissez sûrement, c'est les Infernal Flash Pep, qui m'avait donné un CD. Et un jour, j'arrive et puis j'ouvre le boîtier. Pas le CD était plus là et je dis mince, je l'ai pas, et impossible de le trouver sur Internet ni quoi que ce soit, donc je dis mince, je suis vraiment embêté. Et au moins 2 ans plus tard, en ouvrant un autre CD, il y avait 2 CD dedans, et j'ai retrouvé, ça m'a fait plaisir. J'ai récupéré les morceaux quand même, comme ça je pourrais les rediffuser à nouveau. Très bien. On va revenir à parler un petit peu de vous. Donc Chris et Léo, un duo qui tourne pas mal. J'ai vu pas mal d'affiches dernièrement. Vous avez joué dans des endroits un peu plus intimes, peut-être. Oui, on joue souvent dans des bars. C'est dans des endroits où on peut pas forcément jouer avec barricade, mais dans des endroits comme ça. Mais on a fait aussi une scène quand même, une belle scène. On a fait la fête de l'Humain à Sologne. J'ai vu les photos, c'était sympa, c'est une belle scène, mais c'est vrai que c'est pas mal adapté pour un duo acoustique parce que la salle résonne pas mal, et c'est vrai que pour un groupe on met une batterie, ça résonne trop en fait pour une batterie, et pour un duo c'est bien, ça remplit. Il y a des endroits où c'est compliqué effectivement l'acoustique, des fois la taille du lieu, hein, c'est vraiment l'acoustique qui fait c'est... Et puis des fois avec pas beaucoup de matériel sur une bonne salle on arrive à avoir un bon son, et d'autres fois avec un matériel pas possible, on n'arrive pas à rattraper. Il y a pas photo. On n'y arrive pas. Ça fait un bruit de hangar. De toute façon, les résonances, c'est le pire truc. À gérer, c'est pas évident. Donc, on fait un petit clin d'œil à tous les sonorisateurs, dont c'est le métier. On en connaît pas mal. Et il y en a un juste à côté de moi aussi. Donc, les gens qui font le son comme ça, c'est vrai que c'est tout un travail. Mais je crois que le plus gros outil, le plus important, c'est surtout les oreilles, parce qu'on a beau avoir les meilleures consoles, les meilleurs casques et les meilleurs machins, si on n'a pas les oreilles pour les contrôler, on est à côté, quoi. Donc les oreilles, c'est très important en tout cas. Voilà. Vous avez fait plusieurs concerts dernièrement. Ça passe bien comme à chaque fois, non ? Écoute, oui, ça c'est plus convivial quand on joue. Il y a beaucoup d'interactions avec le public. C'est pas la même interaction. Les gens, on a joué au Grenier de Vinay aussi plusieurs fois. Et le public est souvent attentif, particulièrement au Grenier de Vinay, parce que c'est une salle où les gens font pas autre chose quand ils viennent regarder un concert. Tu vois, ils mangent pas, ils boivent pas. Contrairement au restaurant ou les bars où des fois. C'est ça. Ça, on a déjà joué dans des restaurants justement tous les deux. Et c'est relou, quoi. Des fois, les gens, bon, d'accord. C'est à peine si vous dérangez pas les gens qui sont en train de manger, quoi. Des fois, tu vois, on a tendance à se mettre pas trop fort quand on joue en duo, on en profite, là. Donc, on se met pas trop fort. Mais des fois, ils nous couvrent en rigolant, tu vois, déjà, t'entends plus les paroles parce qu'ils font plus de bruit. Donc, ça arrive, des fois. Une fois, j'avais été dans un concert comme ça où les gens étaient venus pour boire et passer un bon moment après le travail. Et il y avait la finale de la Coupe du Monde. Donc, les gens, ils jouaient. Et derrière, il y avait un écran. Et à un moment, tout le monde se lève. Les mecs, ils étaient contents. Et en vérité, c'est parce qu'il y avait un but qui venait juste d'être marqué. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens qui suivaient pas du tout le concert, quoi. Après, c'est des moments aussi un peu pas terribles. Mais enfin, bon, ça fait partie des souvenirs, hein. Heureusement, il y a aussi de bons moments. Voilà. Là-dessus, sur le foot et tout, Moi, le premier concert que j'ai fait avec Barricade, je m'en souviens bien. C'était dans un VNB. Et c'était, il y avait du foot qui passait, en fait on dérangeait clairement, ça n'a pas été forcément la meilleure expérience. Ça vous est arrivé la même chose, parce que je voulais pas citer, mais c'était au même endroit, donc c'est peut-être pas une bonne idée de mettre des musiciens et de mettre un match de foot en même temps. Très bien, on continue avec un morceau. D'accord, plaisir. Alors le morceau, c'est je me souviens plus, c'est toi, Chris, qui l'a programmé. Alors il s'appelle... Et regarde, parce que je sais plus, j'en avais amené plusieurs. Bandiera Rosa. Voilà. Alors oui, Bandiera Rosa. En fait, c'est un chant révolutionnaire. Et c'est le groupe Zebda qui a enregistré un album uniquement avec des chants révolutionnaires. Et ben voilà, j'avais envie de passer ça. Donc voilà. Bah, on écoute tout de suite alors, c'est parti. Donc c'était Zebda avec Bandiera Rossa. C'est en italien. Oui. Ouais, en italien. Ouais, encore je m'en doute un petit peu parce que c'est latin et puis donc une chanson révolutionnaire. Hein. Oui. À propos de révolution, on a quelque chose à annoncer. Bon, vous êtes au courant aussi, mais on va annoncer à nos auditeurs, c'est qu'on va avoir une petite coupure d'antenne pendant quelques secondes, bah, simplement parce que il y a eu un début d'incendie avec un onduleur qui a pris feu, donc les pompiers ont tout éteint. Il y a rien de grave. Non, c'est une blague. En vérité, il y a juste une remise à zéro à faire dans le studio. Ça va être fait. Il y aura une petite coupure de 30 secondes. Et puis ça va revenir maximum hein, apparemment. Tout est prêt, il y a une petite coupure qui va être faite et après on relance et après on revient. Hein, on revient à nouveau parce que on a encore plein de choses à faire. Et puis de toute façon, si on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut dans l'émission, on dépassera un petit peu. Je pense que la direction ne nous en voudra pas. Voilà. Donc on envoie le morceau suivant et puis après on le présentera. À la limite, il risque d'y avoir une coupure d'une minute à l'autre. Mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas loin et on revient. C'est le temps de redémarrer les ordinateurs et puis on se retrouve ici sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 MHz. Don't turn your head back to the wall. Don't close your eyes. ça c'est l'été. L'été plus facile de se laisser caresser. Yeah.

ça me rendait malade, la fête de l'humain. Au puits du fou, là je me sentais chez moi. Et s'il fallait tout confesser, c'est seulement à Vulcania que j'ai pris mon pied. Je pourrais m'acheter un petit 4x4, même un gros. On va pas me demander d'être écolo. Je reprends mes disques de Jean Ferrat, mais qu'il est drôle ce Laurent Gérard. Et tant pis s'il faut que je lise le Figaro dans le métro. Ça me gêne pas si je dois être le seul à trio qu'applaudit pas. Et puis merde, je reclate, fini d'être culpabilisé. Tu dis partage, coupe le mérite, ceux qui foutent rien pas qu'on les plie. Ça boostera les statistiques. Chérie, de ça suffit pas, c'est pas assez. On va refaire 5 enfants, revendre notre stérilet. Tu vas quitter ton travail pour mieux tenir la maison. Et toi, ma fille, plus jamais en pantalon. Le chômage va reculer, ça fait chier. Mon chien va sûrement se mettre à m'obéir. Les poubelles ne seront plus renversées. Les mauvais éboueurs ne seront plus régularisés. Tant pis s'il faut que je passe 15 heures par jour au bureau. Ça me gêne pas si on va supprimer les chômeurs en fin de droit. Et puis merde, je veux la droite. Les impôts ne privent pas de chance. Je suis fier, je veux la droite. Marre d'être taxé à outrance. Comme Florent Pagny, quitter la France. Voilà, merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel. On revient donc à l'émission, puisque là on a diffusé pas mal de morceaux à la suite. Pourquoi ? Parce que simplement il y avait des petites interventions techniques à faire. Le technicien, voilà, est intervenu, tout est redémarré comme il faut. On a pu écouter pas mal de musique. C'est des morceaux qui ont été choisis par nos invités. Ils sont au nombre de deux, Chris et Léo. Donc c'est le nouveau projet hein, de Chris et de Léo, tout simplement. On a écouté plusieurs morceaux. Donc le dernier morceau, bah, c'est les Fatal Picard avec et puis merde, je vote à droite. J'ai dit vite, hein. Voilà, vous avez rien entendu. Hein. Non, on a pas entendu droite. Oui, oui, oui. Il y avait un gros mot dedans, effectivement. donc c'est le morceau qu'on vient d'écouter. Juste avant, vous vous souvenez des morceaux parce qu'on en a tout passé à la suite. Et puis j'ai pas eu le temps de tout noter. Ouais, moi j'ai ma liste de mes morceaux. Après, je sais pas si. Vas-y. Alors. Ouais, moi globalement il y avait un morceau d'Halloween. Halloween, voilà. Il y a un morceau de Porcupine Tree. Oui, il y en a eu d'autres entre les miens, mais il y a eu FFF. Voilà, avec Barbès. Ouais. Il y a eu Suzanne Vega, que tout le monde a reconnu. Ça, c'est un morceau qui a eu beaucoup de succès. Bien sûr, il fallait bien mettre un truc. Mais j'aime bien ce morceau quand même. Oui, c'est vrai, c'est un très beau morceau et je me souviens, j'étais déjà à la radio hein, quand tu l'avais invité, quand elle est venue. Quand elle est venue, non, quand je me souviens, j'avais à l'époque on travaillait avec des disques et donc j'avais eu la possibilité d'avoir le disque et je l'avais enregistré sur une bande, donc des bandes magnétiques. On avait des grandes bandes à la radio ici et on avait deux magnétophones à bande qui nous permettaient de passer les nuits. Donc il y en avait un qui tournait, qui durait, je crois, 8 heures. Et au bout de 8 heures, ben l'autre il se mettait en route, le premier rembobiné et on passait des nuits comme ça à l'époque. Aujourd'hui c'est plus pareil, on a quand même évolué, mais à l'époque c'était comme ça et ces bandes-là, il fallait en faire. Donc on a allé là-bas, on prenait des disques, des cassettes, des choses comme ça, on mettait ça sur bande de manière à pouvoir passer les nuits. Donc c'était dans les années 80 et quelques. Voilà, entre eux. Je me souviens, moi. Voilà, tu te souviens, tout à fait. Donc, et justement, il y avait, à cette époque-là, il y avait un succès, c'était Suzanne Vega avec ce morceau qui s'appelait Luca. Luca. My name is Luca. Voilà. Très bien. Donc, on va revenir au vif du sujet. Donc, on va parler à nouveau de Chris et Léo. Alors, on a parlé tout à l'heure, voilà, des concerts que vous avez fait dernièrement. Donc, des concerts qui apparemment se sont bien passés. Le public est réceptif à vos chansons ou vous préfériez qu'ils soient un peu plus actifs? Je sais que vous voulez qu'ils soient toujours plus. Ça, c'est non, sûr. Non, nous, déjà, si, non, en général, ils sont quand même assez réceptifs. Hein, on n'a pas à se plaindre. Je t'ai dit, sauf, des fois, on a fait dans des restos où, bon, visiblement, les gens n'étaient pas là pour ça, ils étaient là pour manger, puis après, on les comprend, hein. Mais bon, voilà, donc, mais on essaie d'éviter maintenant, et là, non, en général, ça se passe bien, les gens sont réceptifs, participent, ouais. Puis c'est pas la même, comment dire, la même énergie que, par exemple, avec Barricade, ouais. Là-dessus, on essaie de vraiment s'éloigner pour pas faire doublon avec Barricade, c'est que, nous, on demande pas à ce que, enfin, nous, on n'attend pas des gens qui se mettent à sauter partout avec Chris et Léo. Le but, c'est vraiment de profiter d'une musique un peu plus tranquille, un peu plus posée. C'est vrai que là, dans la sélection des morceaux qu'on a faites, c'est pas vraiment représentatif de ce qu'on fait pour l'instant. Non, mais c'était les morceaux qu'on aimait bien, parce que. Ouais, là, on se fait plaisir, mais c'est pas vraiment représentatif du projet, ce qu'on a choisi. Bah, ouais. Enfin, on a fait quand même pas mal de chansons. Il y a eu de la chanson française, quand même. Oui, bien sûr. Donc, déjà. Les Fatal Picard, il y a un morceau qu'on reprend, des Fatal Picard aussi. Bien sûr, Béranger, il y a un morceau qu'on reprend aussi. On fait pas par coup Paintry. Par coup Paintry, on fait pas. ni d'autres trucs, mais bon. Très bien. Mais au même temps, tu sais, il y a les artistes, moi j'en ai reçu pas mal ici, et des fois je suis étonné par ce qu'ils écoutent, parce qu'effectivement on sait ce qu'ils font comme musique. Alors des fois il y a même des métalleux qui sont là, et puis ils disent ouais, on fait du métal, tout ça, et puis vous écoutez quoi? Ah, j'écoute Chantal bien Goya, ouais, non, mais de la musique classique par exemple. Il faut savoir que les gens sont pas forcément fermés dans les morceaux qu'ils interprètent, hein. Ils ont leur style à eux, c'est ce qu'ils savent faire, mais peut-être qu'ils écoutent autre chose et qu'ils auraient peut-être voulu faire du piano et la musique classique ou de la chanson. Voilà, il y a plein de choses. Et justement, ce qu'il faut aussi, c'est éviter de se fermer dans un style comme ça et puis écouter plein de choses pour faire votre propre style à vous, quoi. C'est le plus important. Ouais, c'est sûr. Sachant que vous reprenez des morceaux, les morceaux que vous les reprenez fidèles à l'original, ou vous aimez aussi changer un petit peu, je sais pas, l'orchestration, la manière d'interpréter, vous accaparez le morceau. Bah, ça dépend des morceaux, en fait. Il y a des morceaux qu'on a un peu adaptés, et des morceaux qui sont quand même assez proches, hein. Bah, vu qu'on les fait en duo acoustique, c'est vrai que si c'était un morceau qui était fait par un groupe de rock avec guitare, basse, batterie, enfin guitare électrique, c'est vrai que déjà de le passer en acoustique, ça change un peu l'ambiance, et puis donc ouais, faut déjà réadapter un peu à ce niveau-là. C'est surtout ça le gros changement de guitare, de voix. Oui. C'est un peu l'idée. Ouais, mais souvent quand même, ouais, la plupart, on peut dire qu'ils sont quand même pour le moment assez proches de. Oui. Quand c'est de la chanson française, c'est assez proche des originaux quand même, pour la plupart. Ouais. Donc c'est des chansons. Il y a aussi pas mal de chansons à texte. Je sais que vous aimez les textes. Ah bah, ouais. Donc il y a par exemple, il y avait un morceau tout à l'heure. J'ai vu aussi, on l'a pas encore diffusé, de Georges Brassens. Bien sûr. Donc ça fait partie des artistes qui vous ont influencé complètement. Il y a un Brassens. Béranger, des artistes comme ça qui ont des textes, des choses à dire. Ouais, moi ça m'intéresse de dire des choses, hein. Avec Barricade, c'est pareil, j'essaie toujours de dire des choses, et puis intéressantes si possible. Bon, voilà. Et après, ou qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Et là, dans les reprises qu'on fait avec Chris et Léo, on essaie aussi de prendre des gens qui ont des. Alors, il y a aussi plus d'humour, hein. C'est pas comme Barricade, où Barricade, il y a quand même, on peut dire, c'est pas trop de l'humour, c'est engagé, des fois c'est, mais bon, il y a, c'est pas trop d'humour. Là, il y en a plus quand on le fait avec Chris et Léo, on D'accord. essaie de faire tout ça plus sur le mode humoristique, et même les morceaux qu'on choisit, souvent il y a un petit peu d'humour dedans. Ouais. Mais il y a toujours quand même un peu un fond. Très bien. Tout à l'heure, justement, pendant qu'il y avait l'intervention, il y avait du monde ici dans les studios, donc ils étaient en train de redémarrer tout ça. Et j'ai eu aussi un coup de téléphone d'une personne. Bon, alors là, c'est un des auditeurs les plus fidèles de l'émission Mavrica. C'est aussi un artiste, donc voilà, moi je peux quand même me vanter d'avoir parmi les auditeurs les meilleurs artistes de la région orléanaise. Et donc vous le connaissez sûrement, puisque vous avez partagé une scène avec lui. C'est Christophe. Du groupe Prisma. Oui. Ouais, voilà. Donc il vous passe le bonjour. Il m'a dit que justement il avait partagé une scène. C'était le Château d'eau, quelque chose comme ça. Tout à fait. Et qu'entre temps il avait retrouvé Léo à un moment aussi. Il avait discuté un petit peu avec lui. Ouais, donc voilà, les musiciens qui se rencontrent comme ça au hasard des scènes, et puis qu'après qui se retrouvent, et puis. Vous avez d'autres groupes comme ça avec lesquels vous entendez bien, que vous avez gardé des bons rapports? Non, on les déteste tous. Non, alors, le vrai visage. Enfin. Non, bah, on aime bien, on n'a pas de groupe qu'on n'aime pas. On a rencontré, bah, avec Chris et Léo, on n'a pas rencontré trop parce que on a oui, pas c'est moins fait des grandes de scènes. Ouais. Voilà, ouais. On n'a pas fait de scène où il y avait plusieurs artistes en même temps, c'est très rare, mais. Il y avait Yeti. Oui, Yeti, on les connaît, on les a joué avec Barricade, ouais. Voilà, ouais. Bah, tu les connais ici ouais, aussi. Ouais. Bah, les brunettes, on a joué avec, on les aime bien aussi. Mmh. Enfin, il y a. Après, sur Blois, il y a genre Mathis Poulain aussi. Ouais. Mmh. Un copain comme ça. Ouais, ça fait un petit moment qu'il est pas revenu d'ailleurs. Il va falloir qu'il revienne faire un petit tour parce que il bosse beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai été étonné quand la première fois que je l'ai reçu. Il est à l'aise, c'est son truc et c'est vraiment un plaisir de le recevoir. Et puis je sais qu'au début, ben il était un petit peu tout seul et puis de plus en plus, il est accompagné d'excellents musiciens, il faut le dire aussi. Hein. Donc il y a quand même un grand artiste là, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et en plus, au hasard des émissions, des fois je discute, j'ai reçu Mourad qui m'a dit ouais avec Mathis on a fait un truc. Mmh. Ça. Donc il y a pas mal de choses qui se font comme ça. Et moi je trouve que c'est sympa. Justement de partager des scènes avec des artistes différents et des fois bon ça permet aussi d'évoluer, c'est-à-dire que il y a des morceaux que vous aurez peut-être pas fait mais vous avez rencontré un tel, vous avez fait un truc avec lui et puis du coup vous allez changer un petit peu et puis Bien sûr on apprend tout le temps non puis ça fait du bien de rencontrer d'autres musiciens même des fois sur des bœufs aussi moi j'aime bien aller voir des musiciens, rencontrer des gens, voir comment ils jouent en bœuf, un peu cette ambiance là je trouve ça toujours c'est enrichissant, comme tu dis, c'est super enrichissant. Mmh. Et puis d'ailleurs nous c'est pareil, on s'était connus à Talsy. Tout à fait. À Talsy grâce au Red Daff, les citer aussi un groupe. Alors, on avait parlé aussi des Infernal Flash Pep, un groupe qui n'existe plus aujourd'hui, mais que j'ai vu là-bas aussi. Qu'on a vu là-bas aussi. Il y a pas mal de gens. Bah, en attendant sur Blois, Tours, Orléans, il y a pas mal de gens qui se connaissent un petit peu. C'est un petit monde. Et après il y a aussi des clans, il y a des gens des fois qui connaissent pas les autres, c'est marrant. Donc le but un petit peu de l'émission Mavrika, c'est justement de faire découvrir les musiciens, de les rassembler et d'essayer de faire des projets toujours de nouveaux projets quoi en tout cas. Voilà. Merci. Très bien. Tout à l'heure, je l'avais dit. Alors, aujourd'hui, je suis venu assez rapidement. Alors, j'ai un programme avec tous les invités que je recevrai, mais là, je m'en souviens plus et je l'ai oublié chez moi. Donc, il n'y a pas de souci. La semaine prochaine, je le dirai. À la limite, ce que je vais faire, moi, j'ai même pensé sur le Facebook de l'émission Mavrika, je vais mettre les dates avec les différents groupes. Comme ça, vous verrez là où il y a des trous et où les gens peuvent demander à venir. Hein. Donc, et je sais qu'il y en a encore pas mal que je dois contacter, qui m'ont dit, ça serait bien pour le mois de novembre, décembre, et puis finalement, ça s'est un petit peu décalé et puis là je suis déjà complet jusqu'au mois de février donc ils sont toujours pas passés donc il va falloir que je les contacte quand même pour les recevoir, entre autres le groupe La Jarry que vous connaissez aussi sûrement qui m'avait dit on a l'habitude de venir entre novembre et décembre, ils sont toujours pas programmés mais là je vois que toutes les semaines ils tournent aussi ils sont peut-être occupés aussi mais je pense bien à tous ces groupes là et puis tant qu'il y aura de la place et moi c'est pour le plus grand plaisir que je reçois les artistes dans les studios. Voilà. Et c'est avec plaisir qu'on vient aussi. J'aime bien, moi. Moi, je sais que quand ça m'est arrivé, il y en a certains, ils sont venus une seule fois, on les a jamais revus, tout ça. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est justement quand il y a des artistes qui sont déjà venus une première fois, ils reviennent, ils demandent à revenir assez régulièrement. Là, il y a une osmose qui s'est fait, il y a un bon feeling. Et puis, je trouve que c'est bien de parler des artistes et de voir l'évolution et puis ainsi de suite. Puis, à la fin de l'émission, on se fait aussi des photos. Donc, voit aussi les photos. Et puis, ça fait 14 ans. Donc il y en a certaines qui commencent à dater un petit peu. On dit tiens, on était plus jeunes quand même. On a quand même pris un petit coup de vieux. Mais bon, en même temps, ça fait partie de l'histoire. Ouais, moi j'étais vieux dès le départ. Moi j'étais vieux dès le départ. Donc il y a pas de souci. Voilà. Très bien. On continue à écouter un morceau encore. Justement, tous ceux que vous aviez programmés, on les a diffusés. On a une petite coupure tout à l'heure. À la suite. J'étais un petit peu obligé. C'était pour pas qu'il y ait de coupure d'antenne. Donc j'avais aussi des contrôles. Les gens qui m'avaient dit ça a coupé, c'est revenu, là c'est bon. Impeccable. Donc l'intervention a été faite. Et le morceau que j'ai programmé, j'ai pris au pif, c'est Red Hot Chili Pepper. Qui c'est d'entre vous qui l'a programmé? C'est moi. C'est toi, Chris? Oui. Tu veux nous en parler un petit peu, les Red Hot? C'est un groupe que moi j'aime bien. J'ai connu assez tard, en fait. J'ai connu avec Californication, tu vois, cet album-là. Et du coup, bon, c'est pas le. Il y en a qui disent que ouais, c'est là qu'ils ont commencé à être récupérés, à faire de la musique moins bien. Mais moi, c'est là que j'ai été connu et j'aime toujours Red Hot. Et c'est vrai que c'était un peu. Moi, je sais quand j'ai découvert ce groupe-là, c'était assez révolutionnaire avec une basse qui mais la basse elle est toujours par contre c'est toujours révolutionnaire, c'est la signature hein. C'est un peu la signature des Red Hot et puis le chant aussi oui. Et puis le côté rock, le côté dansant aussi, parce que si on regarde bien c'est très groovy, c'est un peu quand même le rythme des paroles, c'est un peu, il y a un peu quand même de rap un peu on voit que c'est un mélange rap funk aussi des fois, tout à fait, j'adore l'éclectisme, tu vois, donc j'adore ce qu'ils font. Et puis ouais, Flea, le bassiste, c'est un tueur quoi. Ouais, c'est un tueur. C'est vrai que moi la première fois que j'ai écouté, je dis mais les lignes de basse, le gars, attends, il est tordu quand même, il va chercher des machins là. Mais franchement, c'était super envoyé. Et puis il est fou aussi. Si les morceaux sont plus cool, lui il est toujours aussi fou que quand il est. Il faut les voir aussi sur scène. Moi j'ai pas eu l'occasion de les voir, mais j'ai vu à la télévision, et effectivement, c'est un délire. Hein, franchement, ils sont à fond. Bah très bien, parler de ce groupe là dans l'émission Mavrika, en tout cas ça me fait plaisir en tout cas. On va écouter ce morceau-là et puis on se retrouve juste après. Allez. C'est parti. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there waiting for. Waiting for Merci d'écouter Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika. Voilà, donc on a écouté un morceau des Red Hot Chili Peppers et on est donc ce soir dans l'émission numéro 571 avec Chris et Léo. Voilà, donc on a écouté pas mal de musique et ce qu'on fait aussi, c'est que il va y avoir une interprétation en direct live, donc on est en train de préparer ça parce que bientôt, ben justement, on va pouvoir jouer parce que le temps passe vite. Hein, on arrive bientôt à la troisième heure. Hein, voilà, c'est le cas de le dire. Donc 21h, donc jusqu'à 22h. Si on n'a pas le temps, eh ben on dépassera un tout petit peu, c'est ce qui est pas bien grave dans l'émission Mavrika, puisqu'il y a personne derrière moi. Voilà. Donc vous voulez parler un petit peu des morceaux, parce qu'on en a aussi calé d'autres. Alors comment on fait? On essaie de se préparer pour les acoustiques. Comme tu veux, oui, ouais. Peut-être. Donc c'est la première fois qu'on a. J'étais en train de penser à un truc. C'est la première fois que j'ai des invités. Et habituellement, on a des bras qui se croisaient, qu'on mettait sur les instruments, etc. Mm-hmm. Là, on a des nouveaux bras, donc j'espère que ça va se prêter justement à ce travail-là. Donc il va falloir essayer de les approcher. Puis vous allez interpréter donc des morceaux en live. Vous en avez prévu combien? Bon, après, comme tu veux. Sûrement. Bon, sûrement on peut en faire trois, au moins. On en a prévu plus, mais on peut en faire trois si tu veux, ou oui, même moins si tu veux. Oui, on en faire même un peu plus. Bah, trois avant les rappels. Les rappels, c'est comme ça. C'est ça. Très bien. Donc, et on a aussi des morceaux à écouter, et il y a aussi des morceaux qui ont été enregistrés, justement, de Chris et Léo. Tout à fait. Donc, ceux-là, je crois que je vais les garder pour les diffuser aussi dans d'autres émissions, mais on en diffusera tout à l'heure aussi, hein. Il y a pas de. Ouais, on va essayer de caler tout ça. On va essayer de se débrouiller. Le temps passe vite et c'est vrai qu'on a été un petit peu perturbé dans cette émission, mais bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est comme ça, c'est la vie. C'est les aléas. Hein, et vous êtes les premiers, donc c'est vous qui ouais, on s'en doutait quand ça vient avoir un bon. Par contre, le studio est vraiment très très beau, le matériel, tout, oui. C'est vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est bien. C'est à nous maintenant de nous y faire. Et puis bon, heureusement, on est aidé par un bon technicien, vous avez pu le voir tout à l'heure, qui ne fait que ça, installer du matériel dans différentes radios, une très grande radio. Et puis nous, on a la chance sur Radio Arc-en-Ciel, qui est une radio associative, d'avoir un très bon matériel professionnel. Voilà, on a cette chance-là. Voilà, donc on continue avec les morceaux suivants. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on avait calé sur la platine déjà? Après, c'est Apolline, c'est le choix de Léo. Ouais, c'est moi. Ouais. Pareil, c'est Apolline, c'est un groupe plutôt du coin. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais déjà. Je les ai vus en concert, à côté de Blois, et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment super. Mm-hmm. Je les ai revus quelques fois, et alors là, c'est un morceau de leur deuxième EP. J'aurais bien voulu mettre un morceau de leur premier album que j'ai vraiment beaucoup écouté et que j'apprécie vraiment, mais je ne le retrouve pas. Ah ouais, c'est compliqué ça aussi. Et pareil, c'est des morceaux qui sont durs à trouver sur internet, alors faut que je cherche, mais voilà. Parce que moi j'ai déjà passé des morceaux d'Apolline dans l'émission Mavrika, par contre j'ai pas eu l'occasion de les voir sur scène. Ouais. Donc sur scène ça donne bien aussi. Ah ouais, c'est vraiment super. Ouais. Le son est très très bien, le chanteur a une énergie toujours incroyable. En fait moi je les ai vus à la salle Beauregard à Montoux-sur-Bièvre, et c'était un petit plateau et plusieurs groupes qui s'enchaînaient, et je pensais que ça allait être une soirée tranquille, mes parents travaillent un petit peu en lien avec la salle, donc j'avais même aidé j'avais donné un petit coup de main dans l'après-midi, mais il y avait un monsieur avec les cheveux longs, des lunettes, très calme, qui était venu me demander un thé et tout, et ce même monsieur, je le vois arriver en peignoir avec en slip en dessous et monter sur scène, prendre le micro et faire le show, quoi, et j'ai fait ah ouais. D'accord. Ok, d'accord. Et c'était Apolline, du coup, la première fois que je les ai vus, et ça m'a vraiment, je fais, ok, d'accord. Ah, il faut vraiment les voir sur scène, ils envoient. Ouais. Oh non, vraiment. Je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu plusieurs fois. C'est-à-dire que, des fois, on va à des concerts, et on connaît pas forcément les musiciens qui vont jouer et tout ça, et il y a des gens dans le public qui sont là. Et puis, des fois, je sais pas pourquoi, on les remarque. Et après, on les voit monter sur scène, je dis ah bah oui. et c'est marrant parce que et après c'est pareil, ils font leur concert et tout ça, donc pendant un moment ils sont ils sont sur la scène, c'est eux qui le centre d'intérêt et tout ça. Et au bout d'un moment, ben, ils ont fini leur truc. Et des fois, il y a d'autres groupes qui vont jouer et ils viennent dans la salle. Et ouais. Ils redeviennent des gens comme les autres. Mmh. Et c'est marrant parce que c'est vrai que le fait de monter sur une scène, ben, tout de suite, ça fait un petit peu, je sais pas, ça, il y a les projecteurs qui sont dessus, tout ça. Ça donne une aura supplémentaire aux artistes. Ouais, et alors qu'en vérité, c'est des êtres humains comme les autres. C'est ce que je voulais dire, quoi. Mmh. Donc, et des fois, quand on le sait, mais des fois on le sait pas et on le découvre comme ça le jour J. Et puis donc c'est quelque chose de particulier. Moi je sais que je l'ai déjà vécu, donc c'est pour ça que je reconnaissais ce que tu disais. Ouais. On écoute donc Apolline. Le titre, tu te souviens? C'est I Bet You. I Bet You, ouais. C'est en anglais. C'est ça. Très bien, on écoute tout de suite. Alors c'est parti. Radio Arc-en-Ciel, je mets la petite musique de fond, ça veut dire qu'on est vraiment dans les studios avec des vrais musiciens. Et donc pour la première fois, on va essayer de faire un live dans l'émission Mavrika. Et nous avons Chris et Léo, ils ont chacun deux micros, un pour la voix, l'autre pour les instruments. Et donc on va faire une tentative. Ouais. Alors parlez-moi un petit peu pour voir si les voix passent bien. Ben, on va essayer. Les voix pour l'instant, c'est pas mal. Je sais pas si la guitare, et les guitares maintenant, on va essayer. Ça sonne bien, elles sont peut-être un peu fortes, on les baissera peut-être au fur et à mesure. Je peux reculer, mais bon, déjà, peut-être. Non, mais après, je vais essayer de les gérer aussi. Ouais. Donc, je repère, voilà. Voilà, je baisse un tout petit peu les guitares, c'est pour voir. Mais après, il va peut-être falloir que je descende tout, parce que quand vous chantez, vous parlez plus fort que quand vous... On va voir. Essayer. Donc, c'est la première fois qu'on essaye, mais bon, apparemment, le son, il sort très bien, en tout cas. Vous avez choisi donc plusieurs chansons pour nous interpréter. Oui. Alors, quelles sont-elles? La première, je ne sais pas si on va en faire plusieurs à la suite. En tout cas, la première, c'est... Comme vous voulez, hein, c'est votre émission. C'est... de Jacques Dutronc, La fille du Père Noël. D'accord. Voilà, c'est, ouais, c'est... Bon, ça fait pas très longtemps qu'on la joue, celle-là. Bon, ça doit faire une ou deux fois qu'on l'a fait. Donc, d'accord, c'est un peu de circonstance, puisque on arrive bientôt au mois de décembre. Hein, donc, aujourd'hui, on m'a déjà souhaité un joyeux Noël. Donc voilà, avec un peu d'avance, mais c'est la première fois. Mais comme quoi, on s'approche. Il y a quelques décorations qui sont sorties. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Les calendriers de l'Avent sont là. C'est bon, on y va. Ouais, ouais. Les calendriers, avec, c'est pas des chocolats, c'est autre chose. Et des fois, il y en a avec des boissons. Après, c'est chacun sa poitrine. Ou du café, ou des choses comme ça. Maintenant, moi, je pensais que... du café, tu pensais à autre chose, toi? Oui, une boisson caféinée. Ouais, bien. Tout à fait. Très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais baisser la petite musique de fond, et puis je vais vous laisser interpréter ce morceau, donc La fille du Père Noël, et du Père, lui, c'est le fils du Père Fouettard, c'est tout ça? Tout à fait. Voilà, je me souviens de cette chanson-là. Et c'est une reprise de Jacques Dutronc. Voilà. Barricade en direct live. Ah là, c'est plus Chris et Léo. C'est pas pareil, c'est Chris et Léo. C'est Chris et Léo en direct live. Voilà, je la refais. Quand vous voulez. Battre mon cœur s'est arrêté. Une lit, j'ai jeté mon fouet. Contre elle, je me suis penché. Sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois. Toute la nuit, j'avais lié mon père. J'ai remis du bois dans la cheminée, à mes pas son père. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. Je prends la fille dans mes bras, elle me dit mais non Balthazar. Fais donc pas le fier à bras, je suis tombé là par hasard. Toute la nuit j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Toute la nuit elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. Descendu chez moi par erreur, elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remise sur le palier. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle m'a dit d'une voix de crécelle, bye bye au hasard Balthazar. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. Wow. Waouh, superbe interprétation en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Eh ben là, je crois que le son, il est impeccable en plus. Hein. Franchement, très bien. Alors, j'ai même des petites nouvelles. Hein. On va. Bon, tout est relancé, on y va. Vamos là. Voilà, c'est notre ami Florent qui fait les podcasts de l'émission Mavrica qui me dit pour l'instant ne touche à rien, c'est très bien réglé, parfait, très bon réglage. Donc voilà, on a quand même des personnes qui nous écoutent de l'autre côté du poste et qui nous disent que le son est impeccable. Et c'est vrai que c'est bien, hein, franchement, là un très bon son et l'interprétation était magnifique, hein, tout simplement. On aurait dit presque Jacques Dutronc. Ouais, c'est ça. Voilà, une chanson, une célèbre chanson, en tout cas superbement interprétée, reprise par Chris et Léo qui sont dans nos studios. D'autres morceaux que vous voulez enchaîner à la suite, puisqu'on est en position et que le son passe bien. Bah, je sais pas, on peut faire. Je me souviens plus de leur mot. Non, moi non plus, mais on va. peut-être on va faire quelque chose que. Une compo de nous, ouais. Du coup. Ouais, d'accord. On va faire. Ah oui, mais il me fout mon capot, du coup. Il est là. Il est dans le téléphone. Voilà. On va faire un morceau qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis ?» Oui. D'accord. Voilà. Ça me rappelle une histoire, une blague, mais bon, je ne raconterai pas ici. Tu verras si ça raconte un peu la même chose. Peut-être. Bon, on y va. « Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis ?» Voilà, il y a Will aussi qui nous fait un petit message. Oh. Il nous dit, je confirme, le son est bon. Bah, tant mieux. Alors, on a gagné. Salut Will. Voilà, on lui fait un coucou. Will, donc, qui est le bassiste du groupe Barricade. Tout voilà. À fait. Alors, donc, qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Y'a pas de folie, rien ne dépasse, tout est uni. Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Dès le début, un grand dadé, avec des clés, c'est à faire poser. Mon fils, tu n'es pas sur ma liste. Ici, on veut pas l'anarchiste. Entre un grand patron, un général et le directeur d'un grand journal. Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Y'a pas de chaleur, y'a pas de folie. Rien ne dépasse, tout est uni. Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Tout est feuillé, t'es immaculé. Même les soutanes des curés, ils avaient les yeux qui leur sortaient de la tête, avec tous ces angelots en nuisette. Imagine l'éternité, surtout qu'en guise de musique, on avait droit qu'à des cantiques. Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Y'a pas de chaleur, y'a pas de folie. Rien ne dépasse, tout est uni. Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Surtout tout ça, j'y croyais pas. Je dois faire mon mea culpa. Paradis existe et puis voilà. Soudain ça s'est vraiment gâté. Un ex-flic m'avait dénoncé. Les soldats en blanc sont arrivés. À ce moment-là, ouf, je me suis réveillé. Heureusement, car qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Y'a pas de chaleur, y'a pas de folie. passe, tout est uni. Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Bravo! Qu'est-ce qu'on s'emmerde au paradis? Voilà, très belle chanson. Merci. Donc, si j'ai bien compris, vous préférez aller en enfer, c'est ça? Bon, en tout cas, le paradis comme ça, c'est peut-être pas le paradis, ouais, pas vraiment, comme c'est, on c'est, imagine. Ouais, tout à fait, effectivement. Donc, si on peut pas en profiter. Puis, ce qu'on dit voilà. souvent aussi à la fin de l'émission, soyez sages, mais pas trop. Il faut quand même se donner un petit peu de liberté de temps en temps. Il faut être un petit peu fou dans la vie. Heureusement, c'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Un cauchemar, comme on veut. Très bien. Donc, deuxième morceau interprété en direct live. Alors là, je voulais quand même dire aux auditeurs, parce qu'il y en a certains qui ont été regardés sur le programme, parce que je mets toujours les programmes de toutes les chansons, mais là je suis complètement largué, donc je sais pas du tout où on en est. On va essayer de mettre quelques titres quand même tout à l'heure, mais bon, vous inquiétez pas, on va essayer de les retrouver après, ouais. On va essayer de faire ça après, mais c'est vrai qu'on a été un petit peu largué quand même avec les petits problèmes qu'on a eu pendant l'émission. Enfin, c'est reparti, maintenant on est à fond, comme dit notre ami Florent. Il enregistre donc l'émission qui sera donc en podcast, et dans le courant de la semaine il le partagera, et moi je partagerai le lien aussi. Vous pouvez réécouter l'émission si ça vous a plu, vous pouvez l'écouter si vous avez loupé, et vous pouvez aussi l'enregistrer pour la réécouter plus tard, et puis là où vous voulez, il y a aucun souci, grâce à notre ami Florent. Voilà, je suis en train de dire le truc, voilà, il dit avec le nouveau matériel le son est parfait, voilà, donc voilà, que des compliments. En tout cas, c'est vrai qu'il est bien. C'est bien. C'est, moi, j'aime bien parce que on conserve après les enregistrements. Les enregistrements, on peut les diffuser dans d'autres émissions. Hein. Il y en a certaines qu'on va chercher des fois dans les émissions 100 et quelques. Donc, ça fait déjà quelques années. Et on les réécoute avec beaucoup de plaisir parce que à chaque fois, il y a des images qui sont associées à ces sons. Moi, je sais que je suis comme ça. Il y a des odeurs, des images, des choses comme ça qu'on associe. Ça fait partie des souvenirs et on revit à nouveau un petit peu ces moments, ces très bons moments qu'on a partagé ensemble. Tu vas commencer à en avoir pas mal de souvenirs. Oui, quand même, il y en a beaucoup. Sans compter qu'il y en a aussi certains qui sont. Alors voilà, j'essaie de les ranger tout ça, mais il y en a des fois ils sont dans des coins et je les découvre beaucoup plus tard. Ou alors je dis tiens, celui-là, je m'en souviens même plus. Et puis après j'écoute les voix, je dis mais qui c'est qu'il y avait ce jour-là. Heureusement, vous pouvez aller sur le Facebook de l'émission Mavrika. Alors vous allez sur Albino Mavrika, c'est comme ça le Facebook officiel, hein, ouais. Et vous trouvez les photos, et sur les photos vous avez album, et dans les albums vous avez un album par émission. Et c'est les émissions numéro 1. Non, parce que ça c'est déjà le deuxième Facebook qui a été fait, parce que le premier avait été piraté, j'ai dû en ouvrir un autre en catastrophe, mais l'autre existe encore, j'ai réussi à le récupérer quand même. L'autre c'est sous le nom de Albino Fonseca. Ouais, voilà. Donc il y avait les premières émissions, il en manque peut-être quelques-unes, mais bon, la plupart il y a les photos, il y a des photos, donc vous pouvez retrouver les photos, par exemple si on cherche le barricade, on va retrouver le numéro, etc. Ils sont tous rangés. Voilà. Et donc dans le courant de la semaine qui vient, il y aura donc les nouvelles photos, les photos de Chris et Léo, hein, les photos qu'on prendra à la fin de l'émission, ouais. Et qu'on partagera donc dans un nouvel album. Voilà. Donc ça fait partie de l'histoire. À une époque, il y avait même des vidéos, parce que j'avais la chance d'avoir des vidéastes avec moi. Là, en ce moment, je suis un petit peu tout seul, mais. Tiens, d'ailleurs, je vais lancer un appel. S'il y a un assistant qui veut venir avec moi, si la radio vous plaît, vous avez envie de venir avec moi faire une émission dans laquelle on reçoit des invités, hein, des bons artistes en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, bah vous pouvez me rejoindre. Vous êtes honnête, hein, vous allez les voir en vrai. Ouais, vous allez les voir en vrai. Non, mais c'est vrai, moi oui, c'est un plaisir. Hein. Et puis quand je les retrouve sur une scène, tout ça, je dis ouais, je les ai déjà reçus. Ouais, voilà, c'est un peu ma fierté aussi. Hein, voilà. Et puis aussi, vous le savez, à chaque émission. Il y a une remise de diplôme, on fait une remise de diplôme, et puis il y a aussi des petites photos que vous, c'est l'affiche de l'émission qui a été réalisée très bien, de semaine, que vous pouvez, que vous allez signer, et puis après j'ai un livre d'or comme ça qui est chez moi avec toutes les signatures de tous les artistes. Alors il y en a quelques-unes qui manquent, hein. Il y a certains artistes qui n'avaient pas eu le temps de les signer, ils m'ont dit on les emmène, on te les enverra, et puis on les a jamais revus, donc bon c'est pas grave, il en manque quelques-unes, mais il y en a quand même un bon paquet. J'ai deux albums. Et les autres, elles sont en vrac, mais il y a de quoi en faire 3 ou 4 albums encore. Ça voilà. T'étonne pas. Voilà, 571 émissions. Bon, à chaque fois, il n'y avait pas toujours des invités, mais ça commence à faire pas mal. Ouais, voilà. Très bien. Le temps passe vite, 21h12. Vous en faites encore un autre? Eh ben, si tu veux. Ouais, avec plaisir. Alors cette fois-ci, une compo, une... Qu'est-ce que tu veux, Léo? Ce que toi, tu voulais. Ce que moi, je voulais. D'accord. Ouais, je me disais que ce serait bien peut-être de faire une compo. Non, bah, j'en sais rien. Bah, une compo, si tu veux. Ouais. Allez. Donc, Léo, il fait aussi des compos pour Chris et Léo. Enfin, il en D'accord. a fait une. Mais là, il est un peu enroué. Donc, il a dit non, je me sens pas d'affaire. Donc, on va... Mais tu l'as en enregistrement. Oui, par donc, contre, tu l'as où il est pas enroué. Voilà. Donc, celle-là, c'est notre dernière compo, je crois bien. Ça s'appelle Chanson maudite. Alors, c'est une... je sais pas si ça vous fait ça, vous, mais des fois, quand on écoute la radio, il y a une chanson, tu vois, par exemple, Marika, y a une, Radio Arc-en-Ciel, il y a une chanson qui passe, mais là, ça pourrait pas être sur Radio Marika, parce qu'il y a une chanson qui passe qui, des fois, est complètement débile. Donc, c'est pour ça que je dis ça peut pas être sur Radio Arc-en-Ciel. Mais on choisit quand même les meilleurs artistes et les meilleures chansons. Tout à fait. Voilà. Du coup, des fois, c'est cette chanson-là qui va te rester dans la tête et t'arrives pas à t'en débarrasser. Et j'ai fait une chanson là-dessus, ça s'appelle Chanson maudite. D'accord, très bien. Donc c'est la musique dans la tête. Souvent moi c'est la chanson que j'écoute, la première chanson que j'écoute dans des fois avec mon réveil d'ailleurs, il y a une chanson qui se met hop et c'est la chanson que j'aurais dans la tête pendant des heures et c'est pas forcément celle que j'aurais voulu avoir. Voilà, c'est donc ça, c'est la chanson c'est ça, maudite. Voilà, c'est exactement. Ça. Allez, c'est parti. Donc ouais. Tu vois c'est ça. Une chanson maudite, tu l'entends une fois, et après elle s'invite dans ta tête tout le temps. Elle va rester, pas moyen, non pas moyen, de t'en débarrasser, elle peut sortir discrète de la radio. À la limite, le texte peut être idiot, c'est même mieux s'il n'y a pas de message, si c'est de la daube. Potage, tu vois c'est ça, une chanson maudite, tu l'entends une fois, et après elle s'invite dans ta tête tout le temps. Elle va rester, pas moyen, non pas moyen, de t'en débarrasser, tu la fredonnes, pas fière de toi. Ta honte, c'est n'importe quoi, tu te concentres. Pense à de grands artistes, Brassens, Ferré, Brel, non, elle résiste. Tu vois, c'est ça, une chanson maudite, tu l'entends une fois, et après elle s'invite dans ta tête tout le temps. Elle va rester, non pas moyen, non pas moyen, de t'en débarrasser, le mieux ce serait d'en inventer une. Pour parler des gens qui font pas la une, faire réfléchir, se poser des questions, et pourquoi pas penser révolution. Tu vois c'est ça, une chanson maudite tu l'entends une fois, et après elle s'invite dans ta tête tout le temps. Elle va rester, non pas moyen, non pas moyen, de t'en débarrasser, tu vois, c'est ça. Une chanson maudite, tu l'entends une fois, et après elle s'invite dans ta tête tout le temps. Elle va rester, non pas moyen, non pas moyen, de t'en débarrasser, la la la la la la la. Bravo, la chanson maudite, voilà, c'est la chanson qu'on va avoir dans la tête demain. C'est le but. On espère. C'est vrai que chanson maudite, il y a aussi un autre type de chanson maudite. Ça, c'est la chanson que finalement on retient et tout ça, qui est pas forcément celle qu'on aurait voulu retenir, mais notre cerveau, il est comme ça, il fonctionne pas toujours comme on voudrait. Et après, il y a aussi d'autres chansons maudites, c'est des chansons que même si tu aimes bien, il les passe tellement à la radio, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, il y en a certaines que je peux plus écouter parce que pendant un moment, ils les ont tellement bombardés. Ouais, et il y en a certaines, par exemple, j'ai rien contre le chanteur, j'ai rien contre la chanson, mais ils me l'ont tellement mis dans la tête alors que je voulais pas. Au bout d'un moment, tu changes de chaîne dans la voiture et tu passes sur une autre truc, et hop, ils te la repassent à nouveau. Et tu passes pas 5 minutes, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'elle a de plus cette chanson-là? Surtout qu'il y en a certaines comme ça qui, un an après, on les a complètement oubliées. Et pendant un moment, on a bombardé. Et ça, c'est un petit peu dommage. Il faut quand même laisser aux gens le choix d'écouter ce qu'ils ont envie et puis leur passer de la variété. Bah, sur les grandes radios, tu sais comment ça se passe, hein. T'as une dizaine de chansons qui sont bombardées, comme tu dis, tout le temps, et voilà, c'est... Ouais, mais bon, on peut donner peut-être la raison aussi pour ça, c'est que il y a des gens qui payent pour qu'on diffuse des morceaux, hein. Alors nous, comme on gagne pas un centime, vous savez que les chansons qu'on diffuse dans l'émission Eureka, c'est les chansons qu'on aime, voilà. C'est ça la différence, voilà. Donc on reçoit des artistes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, on les sélectionne, on reçoit pas n'importe quoi non plus, c'est toujours les meilleurs artistes de la région orléanaise et des environs. Pour la meilleure radio, c'est normal qu'il y ait les meilleurs artistes. Allez, on y va. Voilà. et c'est pareil. On ne s'arrête pas à la région orléanaise. Hein. Si vous avez envie de venir de très loin, vous pouvez venir, hein, d'Australie. Bah, déjà, on vient de Blois. Ah ouais, déjà, c'est très loin. Bon, c'est plus près que l'Australie, mais ah, c'est déjà. Ouais, Blois, ça fait déjà quelques kilomètres aussi. Hein. Effectivement, on est en plein centre de Fleury-les-Aubrais, hein, à 5 minutes du centre d'Orléans. Et donc, il y a des artistes qui viennent d'un peu plus loin, et ça me fait plaisir. Ouais. Jusqu'à Tours, c'est assez fréquent, il faut le dire, dans la région, ça va. Il y en a pas mal qui viennent aussi de Paris, ça j'ai été étonné, je pensais pas qu'ils allaient prendre la peine de venir faire des kilomètres pour venir jusqu'ici. Et après, il y en a certains qui sont venus de beaucoup plus loin, on en a eu qui sont venus de Biarritz, qui sont venus de Belgique, à deux reprises, un groupe belge qui était venu. Il y en a qui viennent aussi de Brest, carrément, il y a eu de Limoges, il y a pas très longtemps, voilà, il y a pas mal de... Super. Voilà, quand ils ont des dates à faire dans le coin, on essaie de programmer une émission, et puis ils viennent avec du plaisir, et puis il y en a même qui reviennent plusieurs fois. Hervé Deroff, tout à l'heure, on parlait de lui, il vient de Brest, il est venu 4 fois hein, déjà dans l'émission Eureka. Ça fait un petit moment que je n'ai pas de nouvelles, mais bon, c'est toujours un plaisir de recevoir des artistes comme ça, et de voir qu'ils sont bien dans l'émission et qu'ils ont envie de revenir. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On fait encore un autre? Ah bah, si tu veux, d'accord, bon, si t'as on le temps... On a le temps, on a encore un petit peu de temps, et puis, en même temps, on va aussi, après, diffuser encore d'autres morceaux à vous. J'ai le programme qui est pas à jour, j'essaie de rajouter des trucs au fur et à mesure, et puis je voulais aussi remercier tous les gens, il y en a déjà pas mal, hein, des petits cœurs, des petits pouces en l'air. Donc il y a des gens qui sont beaucoup de musiciens, hein. Comme par hasard, je sais pas pourquoi. Donc il y a des brunettes qui sont là, donc avec Christelle qui est la bassiste. Salut. Ouais, vous la connaissez. Florent, notre ami qui nous fait le podcast, qui est toujours en liaison avec nous pendant toutes les émissions. Hervé qui est le batteur des Yeti, que vous connaissez, tout à l'heure on les a cités aussi. Christophe Denaker, qui est aussi le guitariste des Prisma. Dominique Valade, qui fait partie de plusieurs groupes. La dernière fois qu'il est venu ici, c'était avec comment il s'appelle, Jesus Whiskey, voilà. Bruno Bauer qui est venu lui aussi, Stéphane aussi qui est venu aussi avec son propre en tant qu'artiste, hein, voilà. Marilyn, qui n'est pas une artiste mais qui est déjà venue dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Paul, qui fait partie des Rapades. Marc Thomé, qui est un artiste parisien. Alexandre Lebaille, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'est le dernier invité qu'on a reçu et qui, je sais qu'il nous écoute à chaque fois, et puis c'est toujours un plaisir de le retrouver. Franck, qui fait partie des Chili Dogs, que vous connaissez sûrement aussi. Eric Duval, qui fait partie des Satis Guy, qui est venu la dernière fois avec les Satis Guy. Stéphane Prévost, qui fait partie des Frissons. Voilà, on les connaît. Aurélie, des Neutol. Je sais pas si vous les connaissez, les Neutol. Si, je connais de nom et ça envoie. Franchement, moi, ils sont venus ici, et puis je les ai vus sur des vidéos et tout ça, et ça envoie. Franchement, c'est un superbe groupe. Ben voilà, en tout cas, merci à tous ces gens de nous suivre. Et puis, c'est vrai. Et puis voilà, même si le programme il est un petit peu bâclé ce soir, en tout cas il y a toujours les gens qui sont là pour nous envoyer des messages, ça nous fait plaisir. Voilà. À très bientôt. Donc le technicien vient de nous quitter. Là, il a fait pas mal de petits réglages. En tout cas, on le remercie parce que franchement, le son est super agréable. Et donc c'est pour ça qu'on va en profiter un maximum. Et puis jouer encore en direct live. Voilà. Le prochain morceau que vous avez choisi d'interpréter. Bon, là, on va faire une reprise. Du coup, on va faire une reprise des Fatal Picard, qui s'appelle Canal Saint-Martin. D'accord, ouais, je me souviens pas de ce morceau-là. Pas la plus connue des Fatal Picard. Bah, on fait un petit coucou au Fatal Picard et, ouais, et à Paul aussi, que j'ai eu la chance d'interviewer à plusieurs reprises. Une fois ici, par téléphone, et une fois, c'était au Rockin' Rebrèche, la première fois. Donc, déstabilisant, hein, parce que quand on commence à parler avec eux, on sait plus si c'est sérieux ou si c'est pas sérieux. Je pense que c'est très drôle. Et en tout cas, c'est des gens qu'on apprécie beaucoup. Et sur scène, franchement, ça m'a épaté. Franchement, c'est un superbe groupe. Ils sont forêts, je l'ai vu deux fois. Aussi. Ouais. Voilà, donc un petit coucou au Fatal Picard s'ils nous écoutent, et puis un morceau des Fatal, voilà, interprété par Chris et Léo. Je suis au grand air, au bord du canal Saint-Martin. Je regarde passer les amants et les pigeons main dans la main. De la fenêtre de ma chambre, je compte les touristes sur les bateaux. Ça fait une heure que je vis autant au bord du gouffre qu'au bord de l'eau. Moi j'aimerais bien pouvoir me battre en Espagne contre des moulins, pourvu que je sois Don Quichotte. Pourvu qu'il y ait des moulins, sous un soleil qui vaut de l'or, avec la mer qui campe au loin, sur ces vagues au creux d'un port, très loin du canal Saint-Martin. J'ai une jolie tente en plastique, au bord du canal Saint-Martin, portée sur des pavés sans plage. Avec un campeur pour voisin, j'aurais peut-être pu faire fric. Je suis pas chômeur à ce point, en tout cas pas homme politique. J'aurais peur de blesser quelqu'un. Je suis parfois illusionniste, une espèce de magicien. Lorsqu'en hiver il fait trop froid, je souffle doucement sur mes mains. Dans la fumée des caméras, des journalistes du Parisien, la poudre aux yeux pour pas finir au fond du canal Saint-Martin. Moi j'aimerais bien pouvoir me battre en Espagne contre des moulins, pourvu que je sois Don Quichotte, pourvu qu'il y ait des moulins. Un soleil qui vaut de l'or, avec la mer qui campe au loin, poussant ses vagues au creux d'un port, très loin du canal Saint-Martin. J'habite une en plein cœur de Paris, au bord du canal Saint-Martin, à rez-de-chaussée, quai de Valmy, sans balcon ni petit jardin. Bravo, en direct de live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, l'interprétation, donc une reprise des Fatal Picard par Chris et Léo qui sont en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Quatre morceaux live à la suite, hein. Vous allez vous reposer un petit peu quand même. Ouais. Voilà. Ça fatigué, je dis n'importe quoi à la fin, excusez-moi. Ouais, mais dès le début, donc. Mais c'est en live, donc effectivement, il peut y avoir des petits trucs comme ça, mais c'est le côté vivant. Voilà. Live, nous, avec Chris et Léo, c'est très vivant. Voilà. Et on est dans une émission vivante aussi. Hein. C'est vrai que dans cette édition, effectivement, il y a eu plusieurs petits couacs. Hein. Donc, il a fallu faire des réglages, il a fallu redémarrer des ordinateurs et tout ça. Donc, on a été un petit peu perturbés, mais finalement, on s'en sort bien. L'important, c'est de passer un bon moment ensemble. Exactement. Voilà, j'espère que ça passe à travers les transistors de la radio et que chez vous, vous avez l'impression d'être un petit peu avec nous et partager des bons moments, en tout cas. Voilà, restez au chaud parce que de toute façon il fait froid, donc restez chez vous, servez-vous quelque chose à boire tranquillement, et puis devant la cheminée par exemple, écoutez Radio Arc-en-Ciel et l'émission Mavrika, il y a rien de mieux, il y a rien de mieux. Voilà. Donc il nous reste encore des morceaux à écouter, mais avant je voulais vous poser quelques questions. Par exemple, au niveau des projets, quels sont les projets donc pour Chris et Léo dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années? Alors, on a quelques concerts en vue. On n'a pas non plus énormément de projets parce que moi perso, je suis plus concentré sur Barricade quand même, hein, même si on fait, on joue de quand même de temps en temps pas mal, même maintenant on peut dire de plus en plus avec Chris et Léo. Ouais. Mais c'est plus sur Barricade et puis des projets. Je pense que le but pour Chris et Léo, ça va être de chercher au fur et à mesure une identité un peu plus singulière, voir ce qu'on peut essayer de faire avec le duo acoustique, est-ce qu'il y a moyen de les guitares les jouer autrement, de aller dans cette recherche-là. Aussi se faire plaisir avec des reprises, c'est aussi le but. Hein, nous, on fait un peu plus de reprises avec Chris et Léo parce que parce qu'il y a des morceaux qui sont qu'on aime beaucoup et ça c'est plaisant de les jouer quoi. Mmh. Et je pense que le public aussi quand il y a des chansons qu'ils connaissent déjà bien sûr. Parce qu'il y a vos compositions, ils sont contents de les découvrir et tout ça, mais quand il y a des chansons qui les ça les interpelle un peu plus et puis ils ont envie peut-être de participer plus et de chanter, reprendre les morceaux surtout quand c'est en français hein, parce que vous faites pas mal de il y a quelques trucs en anglais aussi. Oui, bon, on en a pas fait là mais on en fait aussi, qui ont fait quelques reprises en anglais, Mais plus de français quand même, un peu 90% en français, facile. Mais comme tu disais tout à l'heure sur la participation du public, c'est vrai que ce qu'on cherche avec Chris et Léo, c'est plus que de voir des gens qui écoutent les paroles, qui des fois se retrouvent un peu dans les textes ou qui chantent avec nous. Ça c'est plus ce qu'on attend d'un duo acoustique, quoi. C'est vrai que s'ils commencent à monter sur les chaises et à tout casser, ils n'ont pas tellement de raison de le faire non plus. Mais c'est vrai qu'il y a plus de complicité avec le public, il y a plus de communication parce que différent. Quand vous êtes sur une grande scène avec les lumières, vous voyez même pas le public, vous voyez qu'il y a une foule, mais alors que là, vous voyez les visages, vous voyez les réactions, vous voyez, c'est quelque chose de différent. C'est peut-être plus dur encore même. Non, c'est différent. Il y a moins de monde, mais ils sont plus là, quoi. j'ai pu faire des scènes ouvertes où comment dire, la scène était à, la scène, l'espace dédié pour les musiciens était à un endroit et le premier spectateur était à un mètre. Et c'est vrai que si à un moment il s'ennuie, il baille et que tu le vois directement, c'est vraiment, il y a une pression qui est pas la même. Tu te détaches moins en fait des gens. Et chaque personne a vraiment, quand il y a une grande foule, c'est la foule qui est impressionnante. C'est pas la personne qui est là devant qui te marque, quoi. Que sur les petites salles, les petites scènes, tu vois chaque genre exactement, tout le détail sur les visages, les gens qui ce morceau-là quand même pas terrible, ou l'inverse hein, des fois qui sont très touchés justement. Plus souvent l'inverse quand même. Ouais, quand même. Non mais des fois il y en a. Oui. Nous on est contents quand les gens sont touchés, parce qu'on retient les gens sont. Oui bien sûr. Mais ouais. Et ça arrive des fois à la fin des concerts qu'ils viennent vous voir et puis en disant j'ai bien aimé la reprise ou j'ai bien aimé vos compositions. Bien sûr. Sinon on l'arrêterait hein, si ils nous disent à chaque fois c'est de la merde. Vous commencerez par le croire, mais je pense que à la limite moi c'est une chose que je suis comme ça. Il y a une chose qui me plaît pas, je vais pas forcément voir la personne vous dire c'est nul. Si ça me plaît pas, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Et puis ça plaît à d'autres personnes, tant mieux. Et il faut savoir que moi j'ai pas le monopole de savoir qui chante bien ou qui chante pas bien ou qui c'est pas parce que la musique elle te plaît à toi ou pas. Toi il y a des musiques qui te plaisent plus. Mais moi il y a des trucs qui me plaisent, qui plaisent à personne d'autre. Mais je me dis à la limite je m'en fous, je me fais plaisir, je les écoute et puis voilà. Des fois c'est pareil, on est ici en train de discuter avec des musiciens et je dis moi j'adore tel groupe, ils me disent moi je n'aime pas du tout. Après tout, vous avez le droit, parce que y a parmi les trucs que vous avez diffusés, il y a des trucs que j'ai pas aimés, j'ai diffusé quand même, parce que pour moi c'est un rôle aussi que j'ai. Mais personnellement, il y a des morceaux qui me touchent beaucoup plus que d'autres, forcément. On est tous comme ça. Et les morceaux que vous choisissez, je suis sûr, c'est des morceaux qui vous touchent, vous. Ah bah oui. Bah, ouais, oui, au moins, oui. Bien sûr. Il y en a aucun que vous avez fait pour le public en disant ça va leur plaire, en vérité, nous, ah ça ne nous plaît pas. Ah bah non. Généralement, enfin, il y a des morceaux, on se dit, ah celui-là il sera bien, les gens vont chanter avec nous, mais avant tout, quand même, il nous parle voilà, pas mal. Avant tout, il nous plaise. Après, ouais. On sait qu'il y a des morceaux qu'on fait, on dit, ah bah ouais, celui-là, il va sans doute fonctionner, quoi, parce que les gens, c'est un morceau très connu, mais voilà, c'est pas pour ça qu'on l'a fait, pas parce qu'il va marcher. On le fait parce qu'il nous plaît, voilà, en premier. D'accord. Vous répétez souvent ou comment ça se passe? On peut pas dire qu'on répète hyper souvent. On répète quand on a des concerts. Non, parce que moi j'écoutais, les voix, les guitares sont bien calées, tout ça c'est super bien. Ouais, non, on voit qu'il y a du boulot et que c'est bien. Voilà, en tout cas vous vous entendez bien, il y a bien un bon feeling entre vous deux et voilà, c'est ça se ressent. Hein. C'est mon fils en même temps. C'est pour ça. Ah non. C'est ce que tout le monde nous dit. On a dit que c'était l'inverse. Mais ça marche pas ça. Tout le monde dit ah ouais, vous êtes c'est le père et le fils. Hein. Ah non. Ah, pourtant, il y a quelque chose. Bah, pas non, officiellement, en tout cas. Après, on ne sait pas. Non. Pas officiellement. Non, je plaisante. Officieusement non plus. Je sais que à une époque, il y avait parmi mes assistants un des premiers, c'était Morgan. Je ne sais pas si vous l'avez connu, qui faisait pas mal de photos, qui aujourd'hui se dédie à la photo. Hein, il fait partie du club chapelois de photos. Hein, donc, c'est un artiste. Et il était venu au début. Il était là, il m'aidait beaucoup et tout ça. On accueillait pendant 3 ans. Hein, donc ça fait assez longtemps quand même. Ouais. Et puis il y a eu Didier. Il y en a eu d'autres. Oui, souvent, les gens me disent, ouais, ton fils. Non, c'est pas mon fils. c'est vrai qu'il était plus jeune que moi. Mais bon, après, c'est vrai qu'on a la passion, quel que soit l'âge, on s'en fout un petit peu. C'est vrai que, et des fois, les gens, ils s'arrêtent à ça. Non, mais ils aiment bien. Ils se disent, ouais, comme il y a de la complicité, ils se disent, ouais, ils doivent être en famille, tout ça. Non, et puis, bah, c'est vrai que dans des duos ou des groupes qui se forment, souvent, il y a un lien qui peut être l'âge, parce qu'il y a, tu vois, des groupes qui se forment. Bien sûr. Bah, parce que les gens se connaissent. Enfin, faut que les gens se connaissent de quelque part, et du coup, ce qu'ils se disent entre nous qui avons une différence d'âge, je saurais pas dire combien, mais un petit peu. bah voilà, ils essaient de chercher le lien, quoi. Mais ouais, comme tu disais, non, on répète pas forcément beaucoup, mais vu qu'on a beaucoup joué ensemble avec Barricade et que, bah, quand même, on se côtoie quand même, même si on répète pas, ça fait que voilà, on se connaît un petit peu, voilà, et au niveau musique, on essaye de s'adapter et de s'entendre comme au mieux, quoi. Ouais, puis on se voit quand même assez souvent, et des fois on joue comme ça, même sans répéter aussi ensemble. Et puis, mais quand on fait quand même le truc sérieusement, quand avant un concert, on répète plusieurs fois et on fait le truc bien, quoi. Tous les deux, on n'aime pas arriver dans un endroit et puis pas être au point. Ça n'empêche pas qu'il y a des plantades, hein, comme tout le temps. Mais on essaie d'avoir mis toutes les chances de notre côté au départ pour être à peu près carré, que ça marche. Bah, en fait, moi, j'aime bien retrouver des fois l'ambiance, justement, de quand on peut jouer tous les deux dans un cadre un peu plus privé, à chanter avec d'autres gens, des proches et tout ça. Et tu vois, d'inviter les gens un peu dans ce truc-là, de, comme tu disais, devant la cheminée, à chanter tous ensemble, et puis voilà. C'est vrai que là, on est en hiver, mais des fois, quand il fait très chaud ici dans les studios, bon, les gens sont en été, on fait les émissions, et on se dit, voilà, c'est un peu des émissions de vacances, on imagine qu'on est au bord de la mer, donc on fait même le bruit des vagues et tout ça, et des mouettes, et on dit, on est au bord de la mer, on allume un feu sur la plage, et puis là, les artistes vont jouer. Et c'est vrai, c'est le côté convivial, c'est des choses qu'on n'oublie pas, c'est l'ambiance, il y a les musiciens, il y a la musique, il y a le son des vagues, il fait beau, voilà, c'est des moments qu'on n'oublie jamais, donc et c'est des moments qu'on aime bien partager, donc on aime bien s'imaginer aussi, quoi. Là aujourd'hui, c'était plutôt le feu de cheminée, etc. Oui, parce que dehors, là, ouais, ça commence à faire un peu réaliste avec la saison, c'est normal. vous allez souvent au concert, vous aussi, voir d'autres artistes, non? De temps en temps, c'est vrai que j'y vais moins souvent que je devrais, mais bon, je vais des fois à Blois quand il y a des trucs qui passent, mais pas forcément des artistes célèbres. Des fois, je vais voir je suis allé voir les Brunettes, Yeti, enfin tous les gens que je connais un peu, que j'aime bien, je vais les voir, et puis aussi des artistes que j'aime bien aussi, bien sûr. Ah oui, et après il y a il y en a qui sont célèbres, il y en a d'autres qui sont moins célèbres, mais qu'on apprécie tout autant. Ouais. Hein. Bah, ouais. Moi, j'aimerais bien aller en voir un peu plus, mais j'avoue, je suis un peu pantouflard des fois. Puis je travaille souvent le soir, donc c'est vrai que des fois c'est compliqué, et puis même quand on a des concerts, ça nous empêche de voir d'autres trucs, mais c'est vrai. Mais ouais, non, on essaie d'y aller aussi quand même. Ouais, mais c'est pas toujours évident de tout concilier, et puis non, et puis après il y a aussi le fait que là il y a eu quand même le Covid. Là, ça fait un blocage. Les gens sont devenus pantouflards. Comme... Ouais, ouais. Et ils ont pris l'habitude de rester à la maison et plus sortir. Et puis, le fait de se remettre, c'est pas évident. Hein. Donc, aller au concert, c'est pas toujours. Et puis, c'est pareil au niveau des concerts. Ça a repris un petit peu, mais on s'est rendu compte que finalement, le public n'était pas toujours là. Ou alors, des fois, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que il y a des phénomènes aussi, de temps en temps on va à des concerts, on dit bah, dis donc, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude, parce que peut-être les gens étant frustrés aussi, ils se disent tiens maintenant on va se rattraper un petit peu, donc c'est un petit peu bizarre, on n'est pas revenu comme c'était avant, tout à fait. Puis c'est vrai que des fois nous on a joué, là c'est plus en tant que barricade, on a joué des fois il y avait plein de monde et des fois il y avait personne et tu sais pas pourquoi, dans le même lieu hein, oui. À un an d'intervalle. Bon alors, tu peux te dire, il y a d'autres événements à ce moment-là, et c'est vrai, c'est arrivé qu'il y avait juste un gros truc en ce moment-là, mais bon, c'est très bizarre. On n'arrive pas. Voilà, nous, quand on organise les Mavericks Live, c'est un peu le cas. Il y a des fois où on a beaucoup de monde, la fois d'après, on dit, disons, on a beaucoup moins. Alors, des fois, ça, on arrivait à faire des Mavericks Live, un plus au printemps, l'autre plus en automne, et on s'est dit, au printemps, ça marche mieux qu'en automne, mais l'année d'après, c'est l'inverse, on ne comprend pas pourquoi. Après, effectivement, il peut y avoir des événements, il peut y avoir plusieurs concerts en même temps, il y a plein de choses qui jouent hein, et puis voilà, donc c'est pas toujours évident. En tout cas nous on incite les gens à aller au concert, à aller voir les artistes, les applaudir, voilà, c'est quelque chose de super, faut les encourager, je crois que c'est quelque chose de Puis bon, même nous hein, si nous comme on dit hein, souvent pendant à la fin des concerts on dit bah s'il y a pas de public nous on sert à rien hein. Répéter, on peut jouer dans notre salle de répète hein, entre nous, et nous ça voilà, s'il y a pas le public c'est sûr. Et inversement, moi j'ai déjà vu aussi des artistes qui arrivaient et puis il n'y avait pas grand monde. Ils ont fait quand même leur concert jusqu'au bout, comme s'ils étaient 1000, il y en avait 10, et bah ils l'ont fait pareil et ça je trouve c'est super aussi. Nous on essaie de faire toujours ça. C'est-à-dire que quand il y en a 1000, c'est plus encourageant ça. Mais pour ceux qui restent et qui sont attentifs, et il faut le faire aussi. C'est ce qu'on fait. Nous on se donne toujours à fond, qui est 10 000 ou bon, c'est rare, qui est 10 personnes. Et une fois j'ai été dans un concert où il y avait un artiste comme ça et on n'était pas nombreux, donc il avait chanté 4 chansons et après il a été dans le public et il a dit je vous donne le CD, vous l'écouterez chez moi, mais parce que là je suis un peu fatigué et puis j'ai toute scène et tout ça à faire, mais voilà, je vous donne le CD, et il a fait que 4 chansons. Ah, c'est pas cool. Ouais. Et il a donné le CD aux gens quand même. On s'est dit mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les gens vont pas pour écouter un CD quoi. Mais bon, j'ai assisté à ça. Ah ouais. Et une autre fois, j'ai un autre artiste. C'est un artiste londonien, londonien. Je me souviens plus son nom exact. Et il y avait moi et il y avait lui. Un concert où il y avait personne. Il n'y avait pas eu de pub assez ou je sais pas. La com n'avait pas fonctionné. Donc il a joué jusqu'au bout. Et puis moi, quand j'étais avec mon appareil photo, je lui ai fait une séance photo. Il était très ravi que je lui fasse une photo. Et voilà, comme quoi, il y a des fois des moments. C'est des moments. Tu vas quand même te sentir un petit peu tout seul. Mais il était jusqu'au bout. Hein, il a fait son truc. Et bon. Et à la fin, à la fin, j'ai pris une CD et il a signé. Il dit merci de en anglais. Hein, ouais. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Parce que j'aurais très bien pu partir aussi. Hein. Non, franchement, c'était un super artiste, sauf que c'était un problème de com', hein. Il y a eu un souci à ce niveau-là. Voilà. Très bien, donc pour des projets, il y a encore d'autres choses. Est-ce que vous allez faire des enregistrements aussi, par exemple? Là, récemment, on a fait un enregistrement, là. Ouais. Suite, justement, à la scène qu'on a partagée avec Prisma. On a fait, après ça, un petit enregistrement à Blois, à Pôle Nord. Et du coup, c'est les morceaux qu'on t'a donné là. Ouais, il y a trois morceaux qui sont là. Il y en a deux que vous avez déjà interprétés. Voilà, c'est ça. L'autre, vous allez l'interpréter après ou? Et c'est moi qui chante et là, c'est le côté enrhumé qui. D'accord. Donc on a trouvé cette excuse. Sinon, on passera le morceau alors à la fin de l'émission. Ouais, l'enregistrement. Et comme ça, il y a trois enregistrements que je pourrais diffuser dans les prochaines émissions. Voilà, très bien. Il n'y a pas beaucoup, mais bon. Déjà. Non, et puis je pense qu'on va essayer quand même de se refaire de nouvelles compos au fur et à mesure, tranquille. Enfin voilà, c'est vrai que là on va essayer de se reconcentrer un petit peu aussi sur Barricade, on sent que, enfin, moi j'ai l'impression que c'est le moment où il faut essayer d'apporter un peu de renouveau, de changement, où il faut se remettre à travailler et penser différemment. Donc voilà, je pense qu'on va essayer de faire ça. Et puis pour les projets, en tout cas pour Chris et Léo, on a quand même des concerts un peu loin. On a un concert à Vierzon qu'on va faire, dans un endroit qu'on aime bien, un café Aubéry. C'est très sympa. Et on a un autre concert à Châteauroux. Donc tu vois, c'est un petit peu loin. Donc c'est des concerts quand même sympas. Ça nous permet de voyager, nous. Je vois que tu regardes un truc sur l'écran. Bah oui, en même temps, j'essaie de répondre aussi au petit message. Non, mais justement, je pense que c'est un truc assez important. On peut peut-être en parler. C'est vrai. Les délices de Sarah, Effectivement, je sais pas. Non, mais j'ai l'image devant les yeux, donc. Et c'est Will qui nous envoie ça, justement. Voilà. Apparemment, c'est des endroits, finalement, où la culture, elle se fait pas que dans des amphithéâtres, ou dans des salles de concert. Il y a aussi des endroits bien sympas qui reçoivent des artistes. C'est un petit bar, Nous, on cite souvent des groupes, des endroits comme ça, pas pour faire de la publicité, parce qu'on n'a pas vraiment le droit de le faire, mais pour dire simplement, c'est des endroits où les artistes peuvent aller, où les gens peuvent aller applaudir des artistes. Ouais. Et donc, je crois que c'est le cas, tout à fait. Ah ben. Et justement, cet endroit-là, actuellement, il est un petit peu mal, quoi. Il est en difficulté. Effectivement. Ouais. Donc, elle a fait un appel à soutien financier. Ouais. On va sans doute participer, nous. Bah oui, en tant que barricade, on va participer. Parce que, en gros, pour l'anecdote, nous, on a été jouer là-bas. En tant que barricade. Donc c'est dans un petit village très tranquille. On voit le lieu, on se dit bon, ça va être une petite soirée très sympa. Bréhémont, c'est ça. Après Tours, quand on vient de Blois. Et au final, on a passé une soirée. C'était complètement fou. Vraiment. Moi, je conseille à tout le monde, si vous avez l'occasion d'aller voir un concert là-bas, c'était la folie. Quand on y a joué, c'était... jamais vu ça. Un bar assez petit, mais les mecs, un vrai concert punk, tu vois. Les mecs, ils montaient sur le bar, ils slamaient dans le public. C'était un truc de ouf. J'ai jamais vu ça. On s'est mangé le micro deux fois dans la tronche. C'était une super ambiance. Ça pogotait devant. T'aurais vu, c'était... Oh là là. Ouais, public super chouette, très réceptif. On a vu des copains aussi là-bas, complètement par hasard. On s'est vu, on a fait, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Vraiment super soirée. Super souvenir. C'est pour ça que il faut soutenir ce. Moi, je vais partager le lien justement sur le Facebook de l'émission Mavrica. Comme ça, les gens qui nous ont écouté un petit peu la radio et qui ont envie d'en savoir un peu plus et d'aider justement, le lien il va se retrouver sur la page de l'émission Mavrica. Voilà, comme ça, on va essayer de soutenir. Parce que moi, j'en ai vu un paquet sur Orléans des endroits où j'aimais bien aller. Et un jour, ils ont fermé. Et puis on s'est dit, c'est un peu dommage. J'aurais dû y aller plus souvent. Le croque-boudin, par exemple. Deux fois, je crois. J'avais été plusieurs fois aussi, et c'est vrai que après, c'est pas toujours évident parce que on peut pas toujours y aller. Non. Mais après, on regrette. On dit aujourd'hui j'aurais bien été, et si j'avais été un peu plus souvent, peut-être qu'il serait encore là. Ouais. Bon, moi à mon niveau, mais si tout le monde avait fait pareil, on aurait pu sauver peut-être des endroits comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que le Croque-Benet ou les délices de Sarah, en plus, on a toujours été ultra bien reçus, des gens super sympas, super gentils. Et c'est vrai que c'est pour ça que quand c'est des lieux qui se ferment ou qui sont un peu en danger, ça fait un peu de la peine, parce que tu te dis quand même, c'est des gens qui, c'est un investissement, je veux dire, même en termes d'efforts humains et tout, que c'est... Ouais, on en a connu, plusieurs qui ont fermé. Aussi, le Café Pop, il nous avait fait jouer deux fois. Et après, il y avait des endroits où c'est vrai que c'était pas exactement l'endroit pour écouter de la bonne musique dans les bonnes conditions, mais il y avait cette ambiance, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, même si le son il sort pas trop tout à fait bien, il y a tout le monde qui s'est retrouvé, on passait un bon moment ensemble. Donc il y a ce côté-là, l'ambiance, quoi. Ouais, c'est sûr. Très bien. Je vais partager ça. Et puis, ce que je voulais aussi parler, c'est que il y a quelques concerts. Et puis, il y en a un qui est important demain parce que c'est pour la bonne cause. Donc, on va en parler tout de suite. C'est les Rockeurs ont du cœur sur Orléans. Donc, c'est la 8e édition. C'est organisé par nos amis d'Arsenic. Des gens qu'on suit depuis longtemps. Et il y aura trois bons groupes. Franchement, moi, j'ai eu l'occasion. Je connais tous. Donc, Ombrage. Je ne sais pas si vous avez découvert ce groupe-là. Je connais pas. C'est un groupe de jeunes qui font du rock'n'roll, et ça c'est super, et qui interprètent leurs chansons en français en plus. Ouais, et donc il y a quelque chose qui est super bien. Ouais. Moi je les ai découverts au Bouillon, donc j'avais la chance d'avoir un bon son parce que c'est une salle qui est bien traitée au niveau acoustique. Et ils étaient en première partie des Full System. Et depuis je les ai reçus aussi dans l'émission. Ouais, Full System c'est un groupe aussi extra. Ouais. D'ailleurs je les ai reçus cette année aussi bien les Full System que les Ombrages. Et donc pour moi c'est un groupe qui risque de bien monter dans les années qui viennent, sachant qu'en plus demain ils font deux concerts, hein. Ils en font un avec les Rockers ont du cœur et un deuxième que je vais essayer de retrouver d'ici la fin de l'émission où ils seront avec les Brunettes je crois entre autres. Okay. Donc à 19h ils seront aux Rockers ont du cœur et à 20h30 je crois qu'ils seront voilà, donc ils en veulent et ça c'est bien aussi. Ah ouais. Après il y aura aussi un groupe voilà qu'on présente plus, c'est les Twister Cover que vous connaissez sûrement qui sont passés à Blois il y a pas longtemps. Ouais, c'est un groupe qui tourne bien et que en plus c'est super carré ce qu'ils font depuis et puis en plus on voit qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble. Franchement c'est super carré, c'est un groupe que j'adore aussi. Et des Song Common, je sais pas si vous le connaissez aussi. Je les ai pas encore reçus dans l'émission mais je les ai connus il y a très longtemps et j'avais une bonne j'avais apprécié, je me souvenais que c'était quelque chose de bien. Et quand je les ai revus quelques temps après, je me disais, je savais que c'était bien, mais je me souvenais pas que c'était aussi bien que ça. Franchement, c'est un groupe qui envoie du bois. Donc, ça sera l'occasion d'aller les voir. Donc, ça se passe à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Bray. Et c'est demain à partir de 19h. Donc, ça commence tôt et ça finit à 1h du matin. Donc, il va y avoir du rock'n'roll là. Moi, j'ai déjà pas mal de personnes qui m'ont dit qu'on se retrouve là-bas. Donc, on va essayer de se retrouver là-bas. Et on va se retrouver entre potes, hein, entre passionnés de musique, donc avec trois bons groupes. Et il y a aussi d'autres événements, donc je vais essayer de les retrouver tout à l'heure, parce que je sais que les Ombrages jouent aussi avec les Brunettes. Puis c'est dommage de ne pas parler de tous ces événements. Si vous n'allez pas à un, allez à l'autre. Mais voilà, il faut quand même encourager tous les groupes de la région. Voilà. D'autres choses à rajouter, non, à propos des projets? Je sais pas, pour Chris et Léo, c'est à peu près tout, je pense. Ouais, c'est déjà pas mal. Mmh. Ouais, il y a quand même. Voilà, on va essayer de continuer tranquillement, ouais, c'est un peu l'idée. Voilà, c'est ça. Après, après, je sais pas, on peut peut-être dire deux mots de Barricade. Je sais pas si. Bah, déjà, on salue les copains de Barricade. Oui, hein. Ah oui, Barricade. Hein. C'est lui qui a envoyé justement pour d'avoir appelé. C'est vrai qu'on en discutait tout à l'heure avec Barricade. J'ai pas oublié de le mettre. Hein. Je le mets tout de suite. Voilà. Voilà. Donc il va y avoir. On peut peut-être le dire là. Je sais pas. Il va y avoir du changement un petit peu. Ouais, je t'en prie. dans Barricade, du coup, oui, parce que bon, il va falloir qu'on trouve un nouveau bassiste, parce que William arrête, quoi, pour des raisons personnelles. D'accord. Pas de mésentente et tout ça, mais des raisons personnelles. Et donc, du coup, on va en profiter pour se remettre en question, comme disait, commençait à en parler un petit peu tout à l'heure Léo. Mmh. Vas-y Léo, tu peux. Oui, non, mais c'était ça, c'est que vu que William, c'est un peu, je pense, un peu contraint d'arrêter tout ça, nous on s'est posé beaucoup de questions sur Barricade parce que William c'était quand même il a sa touche, hein, il a son c'est bien les fondateurs depuis le début de Barricade donc et c'est pour ça que moi ma réflexion c'était de me dire si faut que ça nous amène peut-être quelque part d'autre, voilà, de remise en question, de comment on va faire, pourquoi on le fait, tout ça, de sortir, de pas rentrer dans une routine avec le groupe, de garder les choses toujours le plus frais possible entre guillemets pour que voilà on puisse rester motivé, que ça soit toujours un plaisir de jouer avec le groupe et enfin voilà. Ouais, c'est toujours un plaisir, mais bon. Après, oui, on se disait que là, c'est une raison, une bonne occasion pour rebondir, essayer d'améliorer ce qui peut l'être, ça peut toujours l'être. Et peut-être partir sur des nouveaux projets, par exemple, peut-être un nouveau disque, avec des nouvelles compos. Parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de nouvelles compos. Là, on en a plusieurs qui sont en cours, donc faut qu'on travaille ça, qu'on trouve un ou une nouvelle bassiste. Voilà. Voilà. C'est encore déjà, vous avez déjà fait des auditions ou il y a déjà des gens qui ont une petite idée, mais voilà, faut que ça se concrétise. On n'en parle pas trop pour le moment avant d'être sûr. Oui, bien sûr. Pour l'instant, c'est un peu en cours, mais voilà. Mais ça vient d'arriver, donc voilà. Voilà. Mais bon, en tout cas, moi, ce que j'avais dit à William à ce moment-là, j'espère que lui, par rapport à la musique, j'espère qu'il continuera, peu importe comment. J'espère qu'il va pouvoir continuer comme il en a envie et puis voilà, profiter de la musique du mieux possible. Quoi. Je crois qu'un musicien n'arrête jamais d'être un musicien. Exactement. Ouais. Je crois que même si des fois la vie ne permet pas de vivre la passion, ça reste et puis ça peut ressortir dans quelques années. Ouais, bien sûr. Et après, bien sûr. Bon, suivant les événements qui se passent, voilà, c'est pas toujours évident. On choisit pas toujours le cours de la vie. Et puis il y a des choses qu'on aurait voulu, qui nous auraient tenu à cœur et qu'on n'a pas pu faire. Je pense qu'on est tous pareils. Hein. Ouais, mais bien voilà. Sûr. Donc voilà, donc les nouvelles pour Barricade. Il risque d'y avoir la prochaine fois que vous viendrez dans l'émission, il risque d'y avoir. Il y aura sûrement du changement. Oui, oui. Et puis un nouveau bassiste. Et puis au niveau du spectacle, on va essayer aussi de changer un peu le jeu de scène, enfin de travailler un peu plus entre guillemets professionnellement, quoi. Voilà, faire peut-être une résidence aussi. Voilà. Donc on va essayer de voilà. D'accord. En tout cas, ça continue d'avancer. Barricade. Oui, on a aussi des concerts. On a quand même quelques concerts, mais on va ralentir. Vous allez moins entendre parler de Barricade là, parce que on va se concentrer justement sur. Bon, il y a une transition à passer. Quoi, voilà. Ouais. Très bien. Bon, on a quelques concerts quand même. Ok. Il y a déjà des dates de concerts, non? Ou... Pour Barricade, oui, il y en a une aussi à Châteauroux, normalement. Il y a deux dates en février. Dans des bars associatifs, parce que Barricade, on continue aussi à faire des petits bars. On fait pas que des scènes immenses comme le Printemps de Bourges, comme on a fait et tout ça, mais on continue à jouer dans des bars. Là, c'est un bar associatif. Il y a deux bars associatifs dans la région, vers Mont-Louis le premier, et l'autre c'est à Landes-le-Gaulois à côté de Blois. Et voilà. Et puis après, il y aura d'autres dates, peut-être aussi à Bourges, peut-être à Châteauroux, j'ai dit. Mais on va, j'en oublie peut-être, je sais plus. À Cheverny. Ah oui, comme là, tous les ans, on fait aussi un truc assez sympa. On fait le marathon de Cheverny. Alors on le fait, alors attention. Oui, on le fait en tant que gros. D'accord. On va sur place, nous on court pas. Vous ne courez pas. Non. Il y en a qui pourraient pas. Ça serait chaud. Voilà. Et du coup, mais par contre, il fait pas chaud. Alors, on le fait, c'est en avril, et on joue, je crois, 4 heures au moins. Mais le public reste pas. C'est le seul problème. Ouais, on comprend pas pourquoi à chaque fois. On comprend pas pourquoi. Il ne s'arrête pas. Il s'arrête pas. Non. Mais en tout cas, ouais, c'est bonne ambiance d'être. Enfin, ça permet d'accompagner des gens qui sont en train de vivre un truc. Ils sont contents de. Tu vois, quand ils ont fait déjà 10 bornes, ou 15 bornes, ou 20 bornes, de passer devant là, ils voient qu'il y a de la musique, et ça leur fait un peu. Ça les repousse, en fait. Apparemment, ils aiment bien. Donc, et nous, on aime bien aussi. Bon, ouais. Et on remercie d'ailleurs Cheverny de nous. Ouais, de l'organisation, de nous rappeler, parce que c'est la troisième année qu'on fait quand même. D'accord, donc c'est le marathon, c'est ça? Ouais, le marathon. Donc c'est quand même beaucoup de kilomètres tout ça. Oui, nous on pourrait pas. Ça me rappelle une histoire, mais c'était à propos du triathlon. Un hippopotame, il court beaucoup plus vite qu'un humain, et il nage plus vite qu'un humain. Donc la seule chance pour un humain de le battre au triathlon, c'est de miser sur le vélo. Vélo, c'est ça. Voilà, c'est le truc qui est un peu comme ça, j'avais entendu tout à l'heure. Ça m'avait fait sourire, donc c'est pour ça que je me suis dit bon. Ouais, on va la sortir dans l'émission. Entre nous. Ouais, on est entre nous. Personne nous écoute. De toute façon, c'est simple. Voilà. En tout cas, on fait un coucou à tous les gens qui nous écoutent. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, surtout quand on va au concert, il y a toujours des gens qui viennent nous voir en disant, j'ai écouté ton émission, ceci, cela. Donc, on a l'impression, parce que des fois, on est un peu tout seul dans les studios. Et on se rend pas toujours compte. Grâce à Facebook, on a quand même des retours. Grâce au téléphone, on a aussi des gens qui nous appellent. Mais la grande majorité reste discret, et puis il écoute simplement l'émission. Donc avoir des retours comme ça, ou alors dire telle chose, je veux en savoir un peu plus, tout ça. Donc les gens sont attentifs. Hein. J'ai été surpris plusieurs fois. Des fois, je dis ah bon, j'ai dit ça. Voilà. Très bien. Donc un petit coucou à tous les gens passionnés par la musique et qui vont au concert. Voilà. J'ai pas retrouvé la page. pages. On va essayer de la retrouver, hein, mais en attendant, on va peut-être écouter un petit morceau parce qu'on peut pas être beaucoup. On va dépasser un petit peu sur les horaires. Personne va nous en vouloir, hein, parce que je crois que on a une émission un petit peu particulière, un petit peu bizarre. Et je sais même plus ce que j'ai calé après. Est-ce qu'on a calé un morceau d'ailleurs? Normalement, ouais. Oui. Moi, j'avais un morceau, un petit morceau calme de prévu. Ouais, je suis en train de retrouver. Hein. Je t'en prie. Ah ouais, Michel Fugain. Voilà. Ah, il y avait Michel Fugain là-bas. Ouais, on avait calé quatre morceaux, donc ouais. Michel Fugain. Alors Michel Fugain, je crois que c'est la première fois qu'on passe un morceau de Michel Fugain dans l'émission Mavrika. Et pourtant, moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé dans mon enfance. Hein. Franchement, c'est vrai que c'est le Big Bazaar, tout ça, c'était quelque chose. Et puis en fait, c'était quelqu'un qui était très engagé. Et si tu écoutes les paroles, il y a certains morceaux qui sont très engagés. Et moi, comme j'aime bien le côté engagé. Mais c'est vrai qu'en plus, il le dit d'une manière poétique comme ça, mais quand on écoute... c'est ça qu'il veut dire. Ah ouais, d'accord, c'est pas tout à fait... Là, le morceau que j'ai choisi, là, tu vas voir, c'est un morceau qui parle de la Commune de Paris. Et il est sympa. Il est un peu triste, mais il est sympa. Et ce que j'aimais bien dans Michel Fugain, c'est que il avait des morceaux avec des musiques entraînantes, très gaies, souvent. Et il y avait le Big Bazaar qui dansait dans tous les sens. Et en fait, il avait le côté très hippie aussi, j'aimais bien. Et en fait, il arrivait à pas se faire passer des trucs qui seraient peut-être pas passés autrement. Avec des airs très gentils, tout ça. Et quand t'écoutes certains morceaux, c'est très révolutionnaire, en fait. Et moi, j'aime bien ce côté-là, tu vois. Ouais, et moi, c'est ce que j'essaie un peu de faire aussi. Peut-être que ce qu'il a fait il y a quelques années, aujourd'hui, il n'arriverait plus à le faire. C'est possible. J'ai l'impression, parce qu'il y a quand même des choses que on est peut-être un peu moins libre sur certaines choses. Hein. On peut pas rire de tout, on peut pas tout faire, et on peut pas tout dire non plus aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est vrai, oui. Après, mais oui. Écoute Michel Fugain, il veut nous en parler. Je sais plus si celui-là, s'il est court. Non, celui-là, il n'est pas court. On écoute. Allez. Un certain Clément Jean-Baptiste, qui habitait rue Saint-Vincent, voulant écrire un compliment, trempa sa plume dans le sang. Qu'elles étaient rouges les cerises que nous chantait Monsieur Clément. C'était plus beau qu'un évangile, c'était des mots de maintenant, mais il faudrait que nos enfants n'attendent pas comme on attend, qu'elles mûrissent les cerises que nous chantait Monsieur Clément. Bien sûr, c'est difficile de mourir quand on a 20 ans, mais pour quelques cerises, que ne ferait-on au printemps? De république en république, toujours cocu, toujours content, on applaudit les bons truands, au ventre rond, au ventre blanc, qui nous revendent les cerises qu'avait rêvé Monsieur Clément. Tous ces pontifes des églises, tous ces suiveurs de régiments, voudront nous manger tout vivant, mais ils se casseront les dents sur les noyaux de ces cerises du verger de Monsieur Clément. Bien sûr, c'est difficile de mourir quand on a 20 ans, mais pour quelques cerises, que ne ferait-on au printemps? Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Georges Brassens sur Radio Arc-en-Ciel dans l'émission Mavrika. C'est pas souvent, mais c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il nous a laissé de très belles chansons et certaines sont reprises par Chris et Léo ou pas. Oui, c'est le cas. Donc j'ai perdu. Ah voilà, c'est bon. Ah. Voilà, je me suis trompé de bouton, bon, tout bonsoir. Simplement. Hein, voilà, il faut que je reprenne des habitudes. Il y a des chansons qu'il faut reprendre de Georges Brassens. Lesquelles? Celle-là, non, par exemple? Alors, de Georges Brassens, on reprend une chanson pas très connue. C'est, La princesse. La princesse et le croque-note. D'accord. Mais c'est pas celle-là qu'on va faire. Là, on va, peut-être on va en reprendre une autre de Fugain. Ouais. Vu qu'on en a parlé, voilà. Ouais, comme on a parlé de Michel Fugain, voilà, de Michel Fugain. Ça s'appelle Les gentils méchants. Ça aussi, c'est une des dernières qu'on a, des dernières reprises qu'on fait. Alors, je sais que là, vous allez chanter tous les deux, je crois, parce que il y a quelqu'un qui dit une phrase, il y a quelqu'un qui dit, non, c'est comme ça, en principe, ouais, c'est interprété. Chez les dix cœurs, ouais. Ouais, il fait des cœurs. Voilà. Et là, on l'a pas encore travaillé comme ça, mais oui, ça va se terminer comme ça, ouais. Très bien, quand vous voulez. Qui c'est qui est très gentil? Très gentil. Qui est très méchant? Les méchants. Qui a tous les premiers cris? Les gentils. Qui au dernier rang? Les méchants. Qui fait des économies? Les gentils. Et qui gaspille son argent? Les méchants. Les gentils, qui c'est qui se retrouve devant les méchants? Comme dit bien le spectacle permanent, les bouts de l'école, les fibres des géants. Tout le monde en rigole et tout le monde croit, mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie? Les gentils. T'as un gros penchant, les méchants. C'est travail, famille, patrie, les gentils. C'est la retraite à 20 ans, les méchants. Font l'amour le samedi, les gentils. Ils font ça n'importe quand, les méchants. Ils crèveront le cul béni, les gentils. Ils crèveront le cœur titant, les méchants. Les gentils méchants. Bravo, les gentil. Voilà. Voilà, Chris et Léo en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec une chanson de notre ami Michel Fuquin. Les méchants, les gentils, hein, c'est ça les titres. Les gentils méchants, en fait. Les gentils méchants. Ouais. Très bien. Ok, bah, superbe interprétation. Et puis, ça me rappelle des souvenirs. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu cette chanson-là. Et pourtant, à une époque, on l'écoutait la radio très souvent. Oui, oui. Voilà. Elle passait. Mais c'est pareil, il y a des trucs sympas, celle-là aussi. Oui, oui. Qui c'est qui vend les armes? Voilà. Qui c'est qui se retrouve devant? Voilà. Et nous, du coup, on aime bien être, on aime bien les méchants. Oui, il y a des fois, ouais. Ouais, y a des fois, ouais. Parce que les méchants sont pas forcément ceux qu'on croit. Voilà. Voilà. Toujours c'est, le méchant de quelqu'un. C'est pas mais... le bon. En vérité, il faut savoir que dans la vie, il n'y a pas de gentil, de méchant. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il y a que des gris. Plus ou moins foncé. Voilà, le problème il est là. C'est que c'est pas facile de, quand il y a des conflits, des choses comme ça, c'est pas facile de dire c'est la faute des uns, c'est la faute des autres. Souvent c'est la faute à pas de chance et il y a des situations qui font que de toute façon ça peut parler. Voilà. Mmh. Il y a beaucoup de choses comme ça. Je pense les choses, je crois qu'on pense tous la même chose. Voilà. Donc c'est bien compliqué et puis des fois ce qu'il faudrait c'est que les gens puissent tous se donner la main et vivre bien et tout ça. Mais ça ça marche en théorie. Dans un pays qui s'appelle l'utopie, mais dans le monde malheureusement c'est pas tout à fait ça et on va pas toujours dans le bon sens dernièrement. Voilà. Non, c'est vrai. J'ai retrouvé aussi donc le deuxième événement que je voulais parler, hein. Je sais qu'il y en a peut-être d'autres que j'oublie, mais c'est l'Astrosonic, donc c'est à l'Astrolab dans la grande salle et donc il y aura The Brunettes, donc les Brunettes qui est un groupe de filles essentiellement féminin avec qui font du pop rock. Il y aura Thelma, c'est du hip hop pour ceux qui aiment aussi, voilà. Ombrage, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est du rock, hein, ça je certifie, hein, c'est sûr. Et il y aura Eleonore Soul Hip Hop R&B, donc quatre groupes et c'est à l'Astrolab demain à partir de 20h30. Voilà, ouais, dans la grande salle. C'est éclectique aussi. Moi j'aime bien aussi du pop. Parce que moi il y a des groupes qui m'attirent plus que d'autres et des fois je vais pour certains groupes et je découvre autre chose que j'aurais peut-être pas été voir, mais du coup ben c'est une expérience et je me dis ouais c'était pas mal aussi et puis bon et puis c'est vrai qu'il faut s'ouvrir aussi à d'autres styles et des fois c'est nous qui nous cloisonnons dans un style alors qu'en vérité il y a plein de choses à découvrir quoi. Voilà. Et puis moi je sais que moi chez génération pop rock etc. Mais tout n'est pas bon non plus dans le pop rock. Hein. Ah, et il y a des choses à côté. Il y a des choses à côté qui sont bonnes et qui n'en sont pas. Donc c'est pour ça qu'il faut un petit peu tout découvrir. Voilà, on a parlé. Effectivement, Ombrage va jouer dans un concert et puis après va s'absenter pour aller jouer à un deuxième. Donc voilà, de toute manière, si vous voulez voir Ombrage, vous avez deux fois plus de chances de les voir demain. Voilà. On arrive à la fin de l'émission. D'autres choses qu'on n'a pas dit. On va dépasser un petit peu, on a déjà dépassé un petit peu, mais bon. Bon, écoute, non, en tout cas, on te remercie de vraiment nous avoir invités. Bah, je suis désolé parce que les conditions aujourd'hui n'étaient pas optimales. Mais par contre, les lives étaient super bien. Donc, super. On remercie notre ami Florent de faire le podcast. Donc, on pourra récupérer les lives et les diffuser dans d'autres émissions. En tout cas, et merci aussi aux techniciens qui étaient là tout à l'heure parce que ils ont fait du bon boulot. Et puis là, franchement, on commence à maîtriser un peu mieux le matériel. On a un matériel de dingue, il faut quand même le dire. Mm-hmm. Et, le problème, c'est que plus il y a de boutons et plus c'est compliqué à régler, et c'est plus facile à dérégler qu'à régler. Mais quand on arrive à des bons réglages comme on a là, ben on a des très bons lives. Et après, ça restera pour la postérité, parce qu'ils vont être gravés dans le rock, vont être gravés dans l'histoire du rock'n'roll de la région orléanaise et plus quoi. Voilà, la scène française, on va dire carrément. Allez, internationale. Très bien. On va dire les phrases magiques. À chaque fin d'émission, on dit toujours les mêmes phrases magiques. Que le rock'n'roll soit avec vous. Hein, je crois qu'on est d'accord. Ouais. Everything is gonna be alright en anglais. Et puis la dernière, c'est une vie sans musique serait une erreur. C'est vrai que là, franchement, on serait complètement à côté. Bah, voilà, donc ça existe une vie sans musique. Ouais, la musique fait partie de la vie, je crois. Déjà, le battement du cœur, les mouvements, les pas, les jeux, c'est des rythmes, c'est des choses, c'est les oiseaux, c'est le rythme. La musique existe. Ouais. Après, nous. On l'harmonise d'une autre manière, on compose des choses, mais les sons existent naturellement. Bah oui. Je dirais, est-ce qu'il y a une vie sans musique? Ça, c'est pas sûr. À partir du moment où la musique s'arrête, voilà, la vie est terminée. Et au contraire aussi, quand la vie s'arrête, la musique aussi. Ah ouais, ouais, c'est pour ça. Soi, en tout cas. Ouais. Mais heureusement, aujourd'hui, avec la technologie, on enregistre des morceaux et on peut les réécouter, même même quand les gens sont plus là, et les morceaux restent, et puis voilà, les enregistrements aussi. Ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être venu dans cette émission numéro, le numéro, on va s'en souvenir, c'est 571. Voilà, donc la 572e, normalement, il n'y a personne pour l'instant. Donc si vous voulez venir dans l'émission, il n'est pas encore trop tard, vous pouvez encore vous inscrire. Et puis en une semaine, on prépare ça très rapidement. Et après, il y a tout reste est complet jusqu'au mois de février, mais j'ai pas la liste aujourd'hui, donc je vous le dirai la semaine prochaine. J'aurai un peu plus de temps. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci à toi. Que ça continue avec vos projets, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, avec Barricade et Chris et Léo, le nouveau projet. Donc, quand vous voulez, vous revenez dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On aura quelque chose à dire. Et puis, aussi bien avec Barricade qu'avec Chris et Léo. Voilà, merci beaucoup. Merci. On va se quitter avec un morceau de Chris et Léo, tiens. D'accord. C'est le morceau qu'on n'a pas encore diffusé. Donc celui qui est chanté par Léo. Ouais. Mais il va pas chanter en direct. C'est l'enregistrement qui a été fait. Comme ça, on va pouvoir. On évitera les problèmes. C'est très simple. Il y a très peu d'instruments aussi. Tout ça, c'est un enregistrement simple. Ouais. Vas-y. Très bien. Bon, allez, à très bientôt. Allez, bonne soirée. Bonne nuit, bon week-end, bonne semaine et à la semaine prochaine. C'est un village où même la fête n'existe plus. Seuls les ragots courent encore les rues. Quelques camions passent dans cette campagne, pas encore séparés. Un projet de construction, une nouvelle déviation, l'étincelle, la combustion, rive de gauche et rive de droite en opposition. Quelques esprits s'échauffent dans cette campagne où débute la séparation. Des voisins plus qu'éméchés, des mots du ressort, des actes condamnés. On apprend aux jeunes à mourir tôt, on apprend aux sots à mourir jeunes. Jusqu'au grand final, un feu de Saint-Jean dans la mairie. Comme toutes les guerres, juste en arrêtant d'en parler. Tout le monde a trouvé une autre occupation. Jusqu'au jour où on recommencera. Parce qu'on n'aura rien appris. D'ailleurs, pourquoi ça avait commencé? Un coin de ligue à ton souvenir. Ici Denise à Radio Arc-en-Ciel. Ligue-se à Portugal. Ligue-se à sua terra. Ligue-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio. É uma companhia. É Portugal em França. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, Ligue sur son pays, no 26.2 FM. Portugal tem uma sintonia.